Bon, ah, si, ça marche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 40e épisode du podcast du collectionneur. La quarantaine, c'est fait, ça y est. Déjà le 40e. Bonsoir à tout le monde et merci à ceux qui ne regardent pas le Burger Quiz et qui viennent nous écouter. Parce que, bon, regardez Ah, il y a le le Burger Burger Quiz. Quiz. Ah, bah attendez, on se casse. Attendez, ah bon, maintenant, bah je m'en vais. Mais regardez le Burger Quiz en 2018, c'est un petit peu comme jouer au remake de Secret of Mana. Ça voudrait avoir la saveur de l'ancien, mais. Ouais, enfin, Ouais. après, pour le coup, je sais pas si Burger Quiz a des graphismes en 3D dégueulasses, donc. Ah bah oui, regarde Chaba. Bon. Salut. Et donc, sur le coup, ce soir, on va fêter notre 40e numéro en parlant de ce qu'on préfère dans les jeux vidéo, c'est-à-dire la triche. Ah oui. Oui. Ah oui, bien évidemment. Voilà. Et 40, c'est même pas l'âge de petite pelle. Hein. Je vous laisse imaginer. Et bonsoir les gens, des bisous. C'est la moitié, non? C'est ça? Le Le tiers. tiers. Ah oui, c'est vrai, le tiers. Ah ouais. Mais avant, bien évidemment, encore une fois, nous avons quelques petites news dont nous allons parler. Et Juste avant, oui. machin, qui est-il? Parce que je vois machin raconte-nous un jeu, mais qui est machin? Ah, Oh, ben, justement, c'est la surprise. Justement, c'est Ah. en fait, c'est un menu interactif. Il se déroulera au moment où nous dévoilerons la surprise. Voilà. Magique. C'est Mais voilà, le c'est la streamer du magie du XXIe stream. siècle, quoi. Je suis fier de faire partie de ce podcast. Innovant pour vous, chers Non, mais c'est téléspectateurs. vrai en plus, c'est pas de conneries, hein. Merci. Passons aux news. Il y a une réalisation, tu sais, je crois que Pat Le Guen, on ne pourrait pas le recruter, il serait largué. Non, mais j'ai décidé de me grainer un tout petit peu, un poil le déroulé du stream. Voilà, j'y vais mollo. Laissez-moi le Mais temps. merci, c'est Mais donc, on bien. n'annonce pas la surprise tant que. Donc, bah, passons aux Tant qu'elle n'est news. pas annoncée. Et donc, sur le coup, en termes de news, moi, je voudrais commencer par parler donc du vrai faux événement, pas encore dévoilé, mais dont tout le monde est au courant, à savoir cette Neo Geo Mini pour l'anniversaire de Oula, SNES. Ah bon, oula, oula, Neo Geo Mini? Je sais pas de quoi tu Voilà. parles. Et donc, on a vu les premiers visuels où on a vu une espèce de micro-tabletop avec un écran de 7,5 cm. Où tout le monde s'est dit, ouais, super, ça a l'air vachement jouable tout ça. Une liste de 40 jeux qui est, ma foi, relativement sympathique, même si évidemment elle fait fi de tout ce qui est jeux sortis par les éditeurs tiers, donc évidemment, adieu Windjammers notamment. Peut-être la plus grosse perte de cette Ouais, mais enfin, étant Neo Geo donné qu'ils ont Mini. fait le remake Voilà. PS4, enfin le remake HD machin. Après, est-ce que, comme d'habitude, Mais on attendez. leak C'est un officiel, vrai truc? machin. Mais Voilà. bon, alors c'est pas On officiel, sait mais pas, on sait on a pas. les visuels à 360 degrés, on a la liste des jeux, on a les visuels des accessoires. Hein, donc, Ouais, enfin. voilà. Après, attention, quand même, vu qui est à l'origine du leak, c'est comme quelqu'un qui. On va pas le citer, on va pas lui faire de la pub, mais c'est quand même quelqu'un qui pollue les subbox et les suggestions YouTube. Dès l'instant où tu Moi, je sais n'entres pas, pas, moi, je lis. pour l'instant, le leak, je l'ai vu un peu partout. Tout le monde a l'air Oui, mais après, relativement. comme d'habitude, ce qui dérange, c'est qu'effectivement, tout le monde relâche ça, mais personne ne sait rien. Voilà, On ne sait pas pour le moment, mais c'est vrai que tout le bon. monde est content. Moi, je suis Ben, alors, dubitatif. voilà. Content. En l'état, moi, j'ai trouvé que la taille minuscule va rendre les choses totalement injouables. Mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça va pouvoir être branché en HDMI sur une télé. Et qu'on va Alors, pouvoir acheter des manettes à part pour pouvoir brancher sur la Neo Geo Mini pour jouer avec des vraies manettes. mais de voix, moi, il y a pas un truc qui cloche avec ce truc depuis le départ? Bah, le prix déjà. Hein. Non, c'est même pas le prix. Moi, déjà, rien que le prix, Le principe j'ai peur. de faire une mini console avec plein de jeux embarqués dedans, c'est pour la faire ressembler à l'original, non? Ouais, Pourquoi? mais si, je suis d'accord avec toi, Monsieur Chou. Ouais, Mais là, ça ressemble à que dalle. Moi, c'est ça qui me l'original gêne. de la Neo Geo, enfin pas l'original, mais le but de la Neo Geo était vraiment l'arcade à la maison, donc une borne d'arcade Ouais, sauf finalement. que Et le. en plus là, c'est pas des pas d'arcade qui Mais vont c'est sortir, pas, apparemment. voilà, oui, Apparemment, c'est des pas de cacahuètes. C'est les pas de cacahuètes. ça c'est très Après, bizarre. l'idée de faire une mini borne, puisque voilà, comme tu dis, c'est l'arcade à la maison, parce que bon, en vrai, entre nous, la Neo Geo, ça ressemble à rien. Hein, c'est un rectangle noir. Oui, Oui, bah on est voilà. d'accord. Mais un Bah, joli rectangle noir. Mais un mais ça rectangle ressemble noir. à rien. Enfin, voilà. Joli, quel beau rectangle. Un rectangle à 200 balles. Voilà. Bah, c'est Mais juste bon, qu'en fait, moi, je vois plus ça, voilà. en fait, cette mini-borne, comme c'est les justement la Neo Geo X en portable en version de luxe quoi. Ça restera un petit objet c'est tabletop, tu sais, comme un Game & Watch mais en version de luxe parce que le tabletop. Mais à ce moment-là, le prix c'est de la Neo Geo, il va tabasser et tu vas payer pour quelque chose. Difficilement, j'en suis pas convaincu parce que la Neo Geo X, malgré l'émulation, tu sais, qui était quand même un peu en dessous de ce qu'on attendait, je veux dire, c'était jouable sur une portable, complètement jouable. Oui, mais c'était la vraie forme d'une console portable. Là, t'as un écran un petit peu plus grand et tout. Moi, je pense que le confort peut être suffisant, tu vois. Ça dépend, je demande à voir, mais tu vois, je pense pas que ce soit si rébarbatif que ça. Enfin, je veux dire, ça casse aussi la partie multijoueur du truc. C'est ça. Pour des jeux de baston aussi, c'est un peu. Ou même du Metal Slug, c'est un petit peu dommage. Hein. Ouais, mais tu sais, le côté multi, évidemment. C'est clair. Ouais. Mais le truc, c'est qu'effectivement, si on peut brancher la console sur une télé et s'acheter des vrais pads pour jouer, c'est surtout pourquoi diable avoir intégré un écran et avoir fait une mini borne. Ah oui, bah pour en faire justement, je pense, un objet portable de luxe, quoi. Tu sais, parce que c'est la Neo Geo, ça se voulait quand même la machine luxueuse. Ouais, sauf que maintenant, il n'y a pas la demande pour ça. Ah bah ça, je sais pas. Ça... En termes de tarif, tu mets ça en termes d'un tarif, on va dire, correct. Après, je vois pas tellement correct, je vois pas tellement l'ordre de prix. Donc on est sur... Tu pourrais mettre ça ? Mais là, c'est de la Neo Geo, c'est là quand même une mini-borne. J'imagine que ça va quand même coûter un certain prix. Je pense qu'ils vont faire comme à l'époque. La Neo Geo, elle coûtait 4 fois plus cher que les autres consoles. Mm-hmm. Donc là, ça va coûter 4 fois plus cher que la NES Mini. Il reste dans la lignée de la console d'origine. Après aussi, soyons honnêtes. Pour un truc qui est dépassé maintenant. Console vintage, prix vintage. Voilà. Alors, attention, c'est comme la NES Mini ou la Super NES Mini. C'est dépassé, mais ça ressort quand même. Les gens sont là. Quoi. Ouais, mais c'était 80 boulettes. Bah oui. Mais bah, voilà. 80 euros. On pourrait argumenter 80 euros pour une NES en 2017. 2016, elle est sortie, je sais plus. C'est quand même un petit peu cher. Hein. Oui, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. T'as beaucoup de jeux dessus, on te met 80 euros, tu peux trouver ça cher, je suis d'accord. Mais entre 80 et un prix de Neo Geo tel qu'on le connaît, nous. Alors, on ne connaît pas le prix, mais par rapport au NES et Super NES Mini, il y a quand même un écran LCD en plus. Et en termes de mémoire, ça n'a rien à voir vu que dans la liste des jeux, donc on a Mark of the Wolves et Last Blade 2. Je veux dire, rien qu'avec ça, on a besoin de plus de place que dans n'importe quelle console mini Nintendo. Les jeux, ils pèsent presque le gigabyte. Il y a quand même beaucoup de mémoire, beaucoup plus de mémoire sur une console mini, et on sait que c'est une des choses qui, aujourd'hui, n'est pas spécialement donnée. Donc le truc, c'est que la liste de jeux qu'il y a, puis l'écran LCD en plus, rester en dessous de la barre des 100 euros... Ça me paraît peu probable. Ouais, mais attends, c'est pas dit, bien, parce que je reviens encore sur la Neo Geo X, c'est qu'elle avait une particularité par rapport au Super NES Mini et NES Mini. C'est qu'elle avait des cartouches de jeux en plus. Elle n'était pas limitée aux jeux qui étaient inclus dedans. Tu pouvais racheter des jeux en plus à part. On parle pas de ça, là. On n'est pas du tout dans cette optique-là sur la Neo Geo. La Neo Geo X, c'était quand même une belle escroquerie. C'est clair. Mais l'idée était bonne. Ça veut dire que le gain de place était là. Ils n'étaient pas obligés de mettre tous les jeux qui pesaient presque un giga dedans. Par contre, de voix à moi, je suis totalement pas d'accord. Pour le truc du le stockage, ça coûte cher. On est en 2018. La NAND flash, ça coûte que dalle à produire. Il y a des stocks infinis. Donc pour le coup, le fait du... Effectivement, les jeux pèsent plus lourd. Je pense pas que le fait que ça pèse plus lourd, je pense pas que ça pose problème à qui que ce soit. Je suis désolé. Je suis pas convaincu dans la mesure où aujourd'hui on voit beaucoup de jeux Switch sortir avec soit plus cher que la concurrence, soit avec des téléchargements supplémentaires pour éviter que les cartes trop grosses. C'est de la radinerie, c'est pas. Voilà, c'est de la radinerie. On pense à un autre niveau. Je pense que c'est plus de la radinerie pour le coup. Voilà. C'est pas de la radinerie, mais tu prends le prix de la carte SD, hein, tu regardes comment ça fait, et non, c'est pas de la radinerie, malheureusement. Il y a deux choses pour la Switch, hein. Il y a aussi la politique de Nintendo, hein, donc on connaît pas tout le micmac qu'il y a derrière, mais non, et les cartes, la mémoire flash coûte C'est pas que ça coûte. Alors, ça coûte peut-être moins que la DDR ou ce genre de truc. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu passer une news début mars qui disait seconde moitié de l'année, second semestre 2018, les prix des NAND flash vont être divisés par deux parce qu'il y a eu beaucoup de production. Oui. Voilà. Mais ils vont être divisés par deux, mais aujourd'hui, là, maintenant, c'est pas le cas. Et ils coûtent encore la peau du cul. Mais quand tu dis peau du cul, c'est combien? Tu prends une carte 32 gigas, vous savez, un stockage 32 gigas. 32 gigas, bah je sais pas, vous allez sur Amazon qui est le prix le moins cher pour les cartes SD pour l'instant que j'ai trouvé. Et les cartouches, je crois, une cartouche Switch 32 gigas pour la Samsung, 12,97€. Ouais, et une cartouche pour la Switch, je crois, c'est 15€ la 32 gigas. Juste la cartouche, juste le support physique. Oui, mais après, de toute façon, après, ils ont des prix parce qu'ils commandent de prix gros, tout ça. Oui, il y a tous ces trucs-là, mais voilà, enfin, c'est pas. Mais après, si c'est divisé par deux au cours de l'année, bah tant mieux, c'est cool. Mais après, en termes de. Oui. Ouais, en j'espère termes que ça de sera répercuté pour nous aussi. Mais par contre, on est largement au-delà du tarif d'un pressage d'un Blu-ray. Dans la mesure où les éditeurs se basent là-dessus, sur ce que leur coûte un Blu-ray et combien ils gagnent derrière. Exactement. Pour déterminer le prix final. Exactement. Oui. Et pour la Neo Geo, elle n'ira pas les Blu-ray. Ça, je pense que. Enfin, remarque, on n'en sait rien. Ah, ça serait magique. On n'en sait rien. On ne sait pas. Mais ça, c'est, vu le nombre de sites qui reprennent la news, et maintenant, au début, c'était vraiment les raclures de fond de tiroir, comme tu disais, Chou. Mais maintenant, il y a de plus en plus de sites sérieux qui, eux, ont peut-être aussi d'autres sources, hein, mais qui n'ont pas le droit d'en parler. Parce que, alors, il y a un truc rigolo, ça, je ne sais plus quel site l'avait dit une fois, ils avaient balancé ça. En gros, ils savent des trucs, les sites de jeux vidéo ou n'importe quel site de news. Mais ils n'ont pas le droit de le dire. Par contre, s'il y a un mec, un youtubeur ou un autre qui balance le leak en mode je m'en bouffe fou, je balance le leak, ils peuvent dire « Ah, tel youtubeur, il a dit ça !» C'est ce qu'on appelle le charbonnier, quoi. Ça les dédouane, oui. C'est un je balance tout Street Fighter 5 avec tout le monde. Non, voilà, c'est ça. En gros, voilà, c'est ça. C'est « Ah, tel truc, il a dit ça, machin. » Et ils ont... Et c'est une vraie news, en fait. Mais ils ne disent pas comme si c'était une vraie news. Donc, il y a... La politique du leak, c'est beau, c'est 2018, quoi. C'est... Le fameux leak de Street Fighter 5, il était top tier, hein, quand même. Le mec, il stream Pokémon. Ah, je vais vous mettre des noms de Pokémon au pif. C'est avec la personne qui joue. Oui, oui, oui. C'était goldé, ça. Il y avait ça, effectivement. Enfin, bref, voilà. Ouais, sur le coup, wait and see sur cette Neo Geo mini. On verra bien, de toute façon. Je suppose que si ça sort, ça va être pour que ce soit sous le sapin ce Noël. Il y a des chances, ouais. Voilà. Mais alors, du coup, par contre, la chose intéressante, en admettant ça sort, en admettant elle sort à 100€, qui l'achète ici? Mort, non? Non. Non, si ça sort dans le boîtier actuel, je vois même pas ce que je peux en faire, tu vois. C'est honnêtement. Moi, honnêtement, je mets une option dessus, genre je la fais mettre de côté et j'attends les tests pour voir un peu la qualité du truc. Bah, genre Digital Foundry ou tout ça qui nous dit voilà qualité de l'émulation, etc. Si c'est du bon matériel, je prends. Ouais, tu vois, je fais pareil. Moi aussi, le seul truc qui pourrait me rebuter, c'est pas la forme du machin. Moi, je trouve ça même plutôt mignon. C'est l'émulation, savoir si c'est vraiment une catastrophe comme ils avaient fait sur Neo Geo X ou pas. Il y a juste une chose auquel vous n'avez pas pensé. Bon, c'est vrai que le truc en lui-même, il est rigolo. Mais quand tu branches quelque chose sur ta télé, tu vas voir en fait à 5 mètres de toi, tu vas devoir entre guillemets tirer les câbles ou rapprocher le canapé, parce que je pense qu'ils vont pas te mettre aussi 3 mètres de câble. D'habitude. Ouais. Et en plus de ça, tu vas voir à 3 mètres de toi un truc avec un tout petit écran qui va te dire « Mais pourquoi ils m'ont fait payer un écran, c'est con ?» C'est comme la Switch. C'est comme la Switch. Tu peux jouer sur ta télé ou... L'écran est petit, mais... Tu t'imagines jouer dans le train ou dans le métro avec ton machin ? Non, pas du tout, par contre. Mais voilà, je m'imaginais pas en train de jouer sur les toilettes, tu vois. Neo Geo. Faut être honnête. Ah, c'est ça qui... Sauf la Neo Geo Pocket. Oui, la Neo Geo Pocket, c'est la console des toilettes, je l'ai toujours dit. Oui, c'est vrai. On verra bien, on va attendre que tout ça soit officialisé, qu'on ait plus de détails. Voilà. Mais bon, On en reparlera, j'en suis sûr. Ouf, bah oui, il y a des chances. Je pense. En plus, il y a un petit salon de jeux vidéo là dans pas longtemps. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le truc c'est ça, oui, le 3 là, voilà, le CES. Ah, peut-être le CES. Non, c'est passé là. Non, mais peut-être qu'ils profiteront de ça pour communiquer. Pour l'instant, les confs annoncés d'ailleurs ont l'air à des horaires relativement bien, sauf une, c'est laquelle, je crois que c'est Bethesda qui est à 3h du matin. Ouais. Mais conf à, bah, le truc, c'est 20h, 22h, donc 18h. Donc conf Square Enix, Kingdom Hearts 3, FF7 Remake. Oui, mais le truc... Non, Believe. FF7 Remake, ils ont dit 2020, hein, ils vont pas communiquer dessus, je pense. Non, par contre, Sony a toujours pas annoncé, et Sony, je call, hein, ça va être à 5h du mat encore. Hein. Bah oui, eux, ils vont privilégier, de toute façon, le public américain. Hein, américain et japonais. Toujours. Bon, rapidement, autre petite news, mais on va pas en parler très longtemps parce que j'ai pas trop envie de leur faire de la pub. Donc, notre chère société adorée IAM 8-bit nous sort des... oh, punaise, encore eux. Nous ressort donc pour le 30e anniversaire des cartouches de Megaman 2 et de Megaman X. C'est scandaleux. N'achetez pas. Édition non seulement... celui qui va les acheter en quadruple exemplaire. N'importe quoi. Donc, pour le petit détail, édition limitée à 8500 exemplaires, avec une cartouche sur 8, qui en plus est ultra giga limitée, phosphorescente dans la nuit, Dieu sait trop quoi. Et tu sais pas si tu l'as, si c'est ce que tu as quand tu l'achètes. Vendu 100 euros pièce. Attendez, je suis sur le site. Attendez, ces boîtiers là, c'est les boîtiers qu'il y a sur AliExpress qui coûtent que dalle. Peut-être. Peut-être. Ah, totalement. Je sais pas, mais peut-être. Attendez, parce que j'ai une source qui m'a donné le prix en euros, frais de port compris. Attendez, faut que je la retrouve, cette source anonyme. Apparemment, ça parlait de 100 dollars, je crois. C'est 100 dollars, mais après, il y a les frais de port, machin. Les frais de port. Le fait de port plus la douane. Ça tape à 114 euros, je crois, un truc comme ça. Alors, le problème. 114,49 €. Le truc, c'est que. Frais de port compris pour la France. Rééditer des cartouches d'anciens jeux, à la rigueur, pourquoi pas. Ce que j'aime pas du tout, moi, personnellement, c'est la façon dont c'est fait. Une édition limitée et même ultra limitée qui t'encourage limite à en acheter 8, histoire d'être sûr d'en avoir une ultra limitée. Et le fait non, que, en plus, malheureusement, ça marche pas comme ça, les probabilités. Oui, ça marche donc, pas. et en plus, ben voilà, le tarif. C'est-à-dire que aujourd'hui, on te dirait, on ressort Megaman X en boîte, on te fait payer 40 ou 50 euros le jeu complet. En plus, la concurrence, le marché du rétro qui est en train de devenir complètement fou sur les jeux complets, surtout des jeux comme Megaman. Pourquoi pas ? Là, dans ces tarifs-là et de la façon dont c'est fait, pour moi, c'est non. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, moi non plus. Moi, c'est totalement non. Tout récemment, je m'étais pris justement en import japonais Megaman X, donc du coup... tu vois, je vais pas pour le même par rapport, bah, bon, après c'est du neuf, hein, mais même par rapport au prix du, on va dire, boîte et notice US, c'est cher. Mais oui, c'est pour moi, c'est un produit, attention, ils en ont fait que 8000, hein, je pense que c'est une raison, c'est pour les putains de vaches à lait pigeons fan hardcore, dont je fais partie, hein, donc bien sûr, puisque vous l'aurez compris, je l'ai acheté. Il y a écrit Megaman X, c'est un jeu, je l'achète, c'est comme ça, c'est tout. Mais oui, c'est le problème de la société IAM 8-bit comme la société d'ailleurs Limited Run, c'est-à-dire que ils mettent pas à disposition des jeux en gagnant de l'argent comme ça, non. Ils sont en train de surfer sur la hype et de prendre les gens pour des gogos. Et c'est un anniversaire, hein, il me semble, pour Megaman. Aussi. Oui, c'est les 30 ans. C'est les 30 ans. Il y a c'est la cartouche. Ils avaient déjà fait le coup avec Street Fighter aussi, les mêmes, non ? Oui. Oui. Oui. Ah, voilà. C'est eux qui avaient réédité Street Fighter 2. Qui faisaient brûler la console. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais... il y a quand même un problème de confection en plus, quand même, dans l'objet. Non, c'est pas un problème de confection, c'est un problème de caractéristiques des puces utilisées. Après, est-ce que ça fait cramer la console ? Je pense pas que quelqu'un va y jouer suffisamment pour faire cramer une console avec. Enfin, je demande à voir, en tout cas. Bref. Parce que c'est un débat qui a déjà eu lieu sur certains Everdrive, justement. Oui, tout à fait. Certaines personnes qui disaient que, donc, effectivement, les Everdrive faisaient cramer les consoles, d'autres personnes qui ont dit bah, non, c'est pas vrai. Enfin, Il y a une théorie, c'est vrai que les puces sont censées fonctionner avec un voltage inférieur. Et donc, sur le coup, on se demande comment est-ce que ça dissipe la différence. Apparemment, elle serait dissipée en chaleur et ça poserait problème. Oui. Je ne sais pas. Oui. Honnêtement, j'en ai pas la solution. Voilà. Et on a une à l'acheter. Et donc, toujours dans, un petit peu dans la même veine, parce que je vais en parler aussi un petit peu sous la même houlette, il y a toujours le site Russian Game, là, qui nous réédite des jeux Dreamcast, en ce moment, dont Flashback et sa suite Fade to Black, qui vient d'être annoncée à peine. C'est ça ? Oui, c'est oui, ça. Sur Dreamcast. Donc, ils partagent le portage bête et méchant de jeux qui ont déjà 50 ans, qui sortent sur Dreamcast aujourd'hui. Totalement parce... que je sais pas, là, il y a une hype au niveau de la Dreamcast. Il me semble que Flashback sort sur Switch aussi. Dans une conversion, là. Oui, là en version boîte, ouais. Là, c'est officiel, quoi. Là, oui, le coup des jeux Dreamcast, c'est pas du tout officiel, encore une fois. C'est du... Surtout c'est... En plus, ce Fade to Black est quand même était pas bien, quoi. Ah, Fade to Black, c'était... Non, mais les jaquettes sont faites par Philippe Desoulières. Et puis non, c'est pas des mauvais jeux, mais par contre... Non, Flashback est bien, mais Fade to Black, si. Non, si, Fate to Black est pas mal aussi, mais par contre, lui, il s'est mangé la... Maintenant, c'est difficile de jouer. Ouais, il s'est mangé le balbutiement... Voilà, le balbutiement de la 3D sur PlayStation, voilà. Et maintenant... Ouf. Mais un cœur dans le chat, si toi aussi, t'as ton dans la tête. J'ai un pote qui avait Fate to Black, putain... C'est un peu des fois. Mais c'est... En plus, Flashback avait eu, il y a quelques années... droit à un remake là qui était vraiment pas aussi bon que l'original, enfin bref, qui était en 2D, je sais pas si vous vous rappelez de ça, sur le PSN. Oui. Moi je me souviens, je l'avais pas pris, qui était très moche. Dur. On parlait d'Everdrive, t'as pas quelque chose à dire? Voilà, donc encore une fois, donc juste pour clôturer ça, aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire le gogo du rétro, vous avez des produits neufs et rétro à acheter. Personnellement, je conseillerais plutôt aux gens d'acheter une vraie cartouche de Mega Man X et de se retrouver Fade to Black sur PS1. C'est ça. C'est comme ça que je préfère jouer à mes jeux. Et c'est exactement ce que je fais aussi. Ouais. Après, chacun, chacun, disons, mais on peut aussi voir ça autrement. Vous voulez acheter du truc rétro, néo-rétro? Dites-vous que 100$, c'est la moitié du prix, par exemple, de la Super NT. C'est ce que j'avais, voilà, exactement. Peut-être plus le coup, une Super NT, si... C'est pas chier, hein. Au lieu de te prendre le fameux machin, le Neo Geo Bidu, puis le Mega Man 2 ou Mega Man X, là, tu craques, tu prends la Super NT, et là, t'es bien, hein. Ou alors, donc, pour une telle somme, puisque transition, donc, comme tu disais, BuzzDick, effectivement, en parlant d'Everdrive, il y a... un joli petit truc qui est sorti qui s'appelle le Super SD System 3, qui est ni plus ni moins que le linker ultime pour la PC Engine. On peut dire ça comme ça Oui. Il fait fromage et dessert et il vient même te servir le café. C'est ça qui est... Donc, pour la et bagatelle... Et demain, c'est pire fin de journée. Même. Pour la bagatelle de pas mal d'euros, parce que c'est pas donné. Malheureusement. Voilà, vous avez quand même quelque chose qui se branche directement sur votre PC Engine, alors quel que soit le modèle, c'est-à-dire un PC Engine, un Core Graphics 2, ça fonctionne même avec la Super Graphics pour les trois du fond qu'il y en a une. Et permet donc de jouer à n'importe quel jeu PC Engine sur une carte mémoire, fait stockage mémoire pour faire des sauvegardes directement dessus, mais et surtout émule le lecteur CD-ROM-ROM, et donc permet de jouer aux ISO directement sur la carte SD en émulant le système de CD-ROM. Et en plus, vous pouvez même vous passer de tout ce qui est arcade card, etc., puisque ça les émule aussi. Et t'as pas aussi une sortie RGB, je crois, un truc comme ça dessus. Et pour nos amis américains qui ne savent pas ce que c'est, vous avez une sortie RGB. Voilà, pour le coup, quand, ça fait tout, quoi. Ça, c'est le genre de produit que j'aime bien. Bon, j'ai pas la machine. Mais par contre, avoir un truc là qui permet de faire tout, voilà, on n'en parle plus. c'est vraiment cool. Par contre, t'as dit beaucoup d'euros, mais combien beaucoup d'euros? C'est beaucoup. Alors, c'était ça, les prix? 250, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, beaucoup d'euros. Ah oui, non, c'est... 240 euros. 240 euros. Beaucoup d'euros. C'est pas donné. Après, ah, c'est le prix d'un Everdrive. Hein. Alors pour l'instant, les gens qui l'ont testé confirment la qualité du truc. C'est plus cher que tous les Everdrive que je connais. Hein. Ouais, mais avec celui-là, tu peux faire tourner Saphir. Ouais, après, quelque part, tu dis quand tu vois le prix aussi de. Du combo. Ouais, mais lui, il tourne facilement. Le CD, bon. Ah ouais, non, mais puis il fait plein de choses. Et puis ce sera pour. C'est toujours pareil. Je pense qu'il va en vendre moins qu'un Everdrive Super NES ou autre. Du coup, faut qu'il. Par rapport au temps passé dessus et tout, faut qu'il se rembourse. Enfin bref, voilà. C'est vrai que dans l'absolu aujourd'hui, une Duo R, c'est 250 euros. Ouais, c'est. Quand on trouve une à ce prix-là, quoi. Et quand tu vois une Duo R modée RGB, faite par quelqu'un de compétent, pas par. Un enfant de 10 ans qui soude des fils dans tous les sens et qui les fait tenir au pistolet à colle, comme apparemment ça semble être le cas avec beaucoup de modes RGB sur cette machine. Donc ouais. Ouais, puis en même temps, le durer, la qualité des jeux CD sont dans 90% sont pas au niveau des jeux Educard. C'est pas ça, c'est que tu veux. Moi, dans l'idée, tu me parles du jeu CD sur PC Engine. Moi, j'en connais pas. Dans deux, enfin, moi à part le Castlevania, je vois le. Ah, comment s'appelle le Shoot'em Up Bonk. Saphir. Non, le Shoot'em Up Bonk, c'est quoi? Bah, il y en a plusieurs déjà. Il y a Gate of Thunder. Je confonds bien à chaque fois. Oui, non, PC Engine, bah, il parle de. Voilà, PC Engine, merci. Et toi, tu parles de Lords of Thunder. Oui, Lords of Thunder, voilà. Et il y a aussi le Star Parodia qui est pas vilain. Mais Star Parodia, oui, qui est très bien. Oui, il y a vraiment des trucs bien. Quoi. Mais, voilà. Donc pour le coup, Eve, on va dire que tu as quoi? Tu as une petite vingtaine de titres qui est accessible si tu parles pas, si tu déchiffres pas le japonais. Quoi. Oui. Voilà. Voilà, donc, sur le coup, si des personnes souhaitent acquérir ce genre de petits joujoux, c'était pour dire que c'est cher, mais que ça fonctionne. S'ils en sont à la troisième version, ils ont apparemment corrigé pas mal de soucis qu'il y avait eu sur les premières versions. Voilà. J'ai jamais testé un Everdrive. Et ensuite, vas-y, tu avais mis une petite news rapidement signalée à propos d'un plugin. Ah oui, plugin Genesis. Voilà. Ah. Vas-y, je t'en prie. Donc maintenant, on peut avoir les sons d'Amiga Drive dans un plugin VST. Ça, c'est pour moi, évidemment. Et alors, VST, et bien sûr, c'est pas une maladie. Non. Je me désolidarise de cette blague. Moi, je viens d'en faire une. Pour le coup, tu sais. Voilà. Non, mais t'as pas le droit de faire ça. Moi, je trouve très bien. Continue, monsieur. Non, c'est un format audio. Oui. C'est un plugin audio créé par Stenberg. Voilà, ceux qui font de la musique, notamment de la MAO, ils sauront ce que c'est des VST. Hein, mais... Et alors, par contre, je me suis. Alors, ceux qui font de la MAO, c'est ce que savent des VST, bien sûr. Bah oui, voilà. La musique assistée par ordinateur. Non, par contre, je me suis un petit peu renseigné. Il s'avère que ce n'est pas les bruitages de la Mega Drive. C'est des échantillons. C'est des. On va dire des reproductions des bruitages de la Mega Drive. Échantillons inspirés par le son de la machine. Donc, c'est une petite nuance, mais qui pourra être intéressante. Oui, ce n'est pas une émulation du chip Yamaha. Ça, c'est clair, net et précis. Ouais. Voilà, c'est. Bon. Sauf qu'avec ce petit plugin, vous pouvez avoir du son métallique comme vous l'aimez. Voilà. Pour la modique somme de 39$. Ah, ma chère Marie, c'est pas donné. Hein. Quoique pour un plugin VST, en fait, j'en sais rien. Je pense que franchement, ça coûte pas trop la peau ces trucs-là. Donc, ouais, c'est mais de toute façon, si vous voulez vraiment savoir, Audio Bombs, ils mettent une version limitée. Hein. Ah ouais, ok. Oui. Ah bah oui, il n'y a que ces sons, mais avec ça, je pense que tu peux déjà te faire une idée de. Bah, c'est l'intégralité des sons de la console. Un par mi, c'est pas bien. C'est pas bien. Un par bit, c'est cool. J'avais pas fait le blague de merde. Non, mais on aime le son de la Mega Drive, c'est pour ça qu'on vous partage cette. Oui. Moi, j'avais autre chose à dire. Oui. Ah, de super important. Non, parce que vous parlez d'Everdrive, donc c'est pour ça. Il y a une promo quelque part. Il se trouve que Crix, la personne responsable donc des Everdrive, là, c'est les vrais Everdrive, enfin les vrais flashcards nommés le Everdrive. Polonais qui travaille dans son garage. C'est ça, mais il est ukrainien. Il bossait depuis quelques années sur des manettes sans fil pour Mega Drive. Ah ouais, effectivement. Ouais. Et il a fini. Et il les met en vente sur son site. Voilà, oui. Donc j'en ai commandé une, on va voir ce que ça va donner, je vous ferai un retour dans un prochain podcast quand je l'aurai. Ça, c'est super stylé. Il annonce une autonomie de, je sais plus, 115 heures, c'est ça Mazel tov. Wow. Ah ben tiens, une fois qu'il aura vu qu'il a terminé, il peut envoyer ses plans à Edbido pour leur montrer comment on fait une autonomie. Ouais, alors oui, et en plus, non mais attendez, parce qu'il a fait les choses bien, les batteries en plus de ces manettes sont des batteries que tu trouves dans le commerce n'importe où, que tu peux échanger très facilement. Des batteries de téléphone portable, enfin bref, des trucs. Ah oui, des 800 mAh Lyon, d'accord. Bah oui, d'accord. Et puis elles sont compatibles donc Genesis, mais aussi à Master System. Et il a implémenté des mods pour les jeux qui n'étaient pas compatibles, pour les jeux Master System qui n'étaient pas compatibles avec la manette Mega Drive. Et ben là, non, il a fait des trucs pour que ça marche en fait. Donc à voir. Super. Par contre, ça coûte, je sais plus, j'en ai eu pour $75 avec les frais de port, $65. Enfin bref. $65 sur le site, donc ouais, faut compter après les frais de port. Ouais, bon, on va dire 65€ frais de port compris, je crois, ou 70€. Et ce qui est le prix, ce qui en fait est le prix d'une manette 8-bit DO plus le module pour la brancher sur la console d'origine. Est-ce que c'est cher ou pas, j'en sais rien, mais moi ça m'a convaincu, donc. On testera ça. Tout le monde sait que ça existe déjà, des manettes sans fil pour Mega Drive. Oui. Puisque Sega a sorti des manettes officielles sans fil à l'époque. Hein, oui. Alors... qui aujourd'hui te rendent nettement plus cher d'ailleurs, parce que complet en boîte et outils, c'est dans les 200€. Mais évidemment, c'est de l'infrarouge. Voilà, c'est ça. C'est... Et alors, donc celles de Krix, elles ne sont pas infrarouges. Hein, c'est du sans fil. Non, j'espère. C'est du sans fil. Je ne pense pas que ce soit du Bluetooth, mais ça reste du sans fil. Et voilà, parce qu'infrarouge, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la technologie, si vous n'êtes pas en face du récepteur pile, ça ne marche pas. Donc, En face, sans trop bouger, sans le chat qui passe entre aussi. Parce que tu as commandé laquelle, moi ? La noire ou la transparente ? La transparente. J'avais envie de. Oh, elle est bien. Elle a l'air bien. J'avais envie de voir l'intérieur. Je me suis dit, tiens, transparente. C'est parti, on va voir. Ouais, ça a l'air cool. J'avoue. Ok, mais c'est parfait. Alors, sur le coup, donc, si tout le monde a terminé avec les news, a priori, rien d'autre n'était piné, entre guillemets, pour cette semaine. Nous allons pouvoir innover avec une nouvelle rubrique temporaire. Ouais. On va voir comment ça va fonctionner. Alors, Chou, tu vas nous dire ce soir, tu regardes quoi sur YouTube ? Alors, le principe, en gros, c'est un petit shoot-out sur les chaînes YouTube qu'on a envie de mettre en avant. Et exactement, c'est moi, exactement. Ah, merde, une nouvelle rubrique dont vous êtes en train de me dire. Non, mais c'est pas grave, c'était. Ah oui, c'est vrai, non, vous n'étiez pas encore en anglais. Vous avez cassé mon layout. Non, c'est pas grave, allez-y, faites comme si. Je le savais, bien entendu. Regardez comment on fait un layout en direct, pas de problème. Continue de parler. Non, vas-y, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de parler tant que c'est fait. Moi, je ne travaille pas dans ces conditions. Si, allez-y. Voilà, donc j'ai décidé de parler de trois chaînes YouTube. Bon, allez, on va aller chez nos amis américains, une chaîne qui s'appelle Console Wars. Alors, c'est deux types un peu qui font des comparaisons. Genre par exemple, je prends là dans leur dernière vidéo, ils font la comparaison de Prince of Persia, la version SNES et la version Mega Drive. Et en fait, ils tirent dessus à ça, en mode qui a le meilleur jeu ou des fois qui a le pire jeu quand c'est un jeu de merde. C'est fait avec les moyens du bord, donc c'est pas les productions style Joueur du Grenier ou l'Angry Video Game Nerd, mais il y a des blagues moisies et j'aime bien. Quoi. Ça fait peut-être 2 ans que je suis abonné à leur chaîne et j'en rate rarement un, voire à s'y dire aucun. Notre petite chaîne s'appelle Pixel Fun France. Alors c'est quelqu'un que j'ai découvert totalement au hasard après qu'il ait commenté l'une de mes vidéos. C'est quelqu'un qui fait des vidéos sur des trucs un peu obscurs. Je vois par exemple, il avait fait quelque chose il n'y a pas longtemps sur le Pong Univox Paris, qui était le Pong que j'ai eu quand j'étais gamin. Il essaie généralement de faire des critiques sur des consoles Pong, des choses comme ça. Il fait aussi du mode, il fait des trucs assez craqués. Si vous voulez aller jeter un œil, je pense que vous ne serez pas déçus. Je sais qu'il avait fait un mod sur le Atari Super Pong. J'ai regardé sa vidéo il n'y a pas longtemps. Par contre, quand je dis que c'est pas bien, c'est pas bien parce que ça m'a donné envie d'acheter un Super Pong, qui était des choses que déjà je voulais acheter il y a un petit moment. Et ouais, j'avais bien kiffé sa petite vidéo aussi sur les entrailles de la Maniavox Odyssey. Voilà, chose que j'ai pas osé faire avec la mienne qui était la démontée. Et pour faire un petit coucou aussi à une chaîne aussi, que je pense qu'on est plusieurs du coup sur. Dans l'équipe du podcast, à suivre ou à regarder ces vidéos, c'est Gunnet TV, je pense que vous connaissez ici, non ? Moi, je connais déjà. Oui. Voilà. Un petit YouTuber fort sympathique, que j'aime bien ce qu'il fait. Il y a pas longtemps, il a parlé des Krados aussi. Ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a rappelé aussi. Ouais, il a fait aussi une vidéo sur Kato-chan et Ken-chan sur PC Engine, on parlait de PC Engine tout à l'heure. C'est un petit jeune passionné qui va vous parler d'un petit... Non, mais dites pas ça. Quoique c'est vrai, c'est un petit jeune passionné. C'est exactement... Non, mais c'est vrai, c'est quelqu'un, voilà, quelqu'un qui aime le rétro, qui a envie de le partager, qui fait exactement. Des petites vidéos pareilles devant sa caméra, et il parle avec son cœur, et voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça aussi, quelque part... Très douloureux. Faire partager sa passion, c'est aussi ça. Hein. Et ouais, il fait des... Il me semble qu'il avait fait une vidéo aussi. Il parle très régulièrement aussi de l'Amiga et des choses comme ça. Gros fan de PC Engine, donc vous n'aurez pas compris en allant visiter sa chaîne. Donc Gunhead TV, ça s'écrit G-U-N-H-E-D et pas Gun H-E-A-D, attention. Des fois, quand je cherche les vidéos, je tape H-E-A-D et j'atterris nulle part. Donc voilà, c'était voilà. Petit coup à trois personnes que je suis sur YouTube. Eh bien, si bien. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé cette nouvelle rubrique et n'oubliez pas de cliquer la petite cloche. Bon, bref. Le pouce bleu, le pouce bleu. Non, mais faites pas ça. On va pouvoir passer à notre sujet principal. C'est cool, je viens de finir de mettre le layout et la rubrique est finie. Hop. C'est bien. C'est parfait. De la soirée, à savoir la triche. Parce que qui dit jeu dit triche. Quelque part, forcément, je suis sûr. Non, je triche jamais. Moi, je connais pas. Moi, je triche jamais. Moi, je sais pas ce que c'est la triche. Ah oui, voilà, tour de table. Qui a déjà triché et qui aime ça? Alors. D'accord, ok, c'est bien, ça dénonce. Ça dénonce. Alors, tricher, dans quoi? Dans le jeu vidéo ou en général? Donc, alors... toi, t'as des gros dossiers, on dirait. Précise ta question. Je vois pas de quoi vous parlez. La question, c'est surtout, si tu triches dans le jeu vidéo, est-ce que tu peux être honnête dans la vraie vie? Mais bon, nous répondrons à ça plus tard. Ouais, ça c'est... Voilà, soirée. Vous avez 4 heures dans le chat. Non, ouais. Est-ce que vous avez été tenté, à un moment ou l'autre de votre vie, à avoir recours d'une manière ou d'une autre à une manière de tricher, d'exaspération ou juste d'envie d'aller voir plus loin ou juste... Alors, donc dans le jeu vidéo, pas plus tard qu'il y a une demi-heure. Non, d'accord. Combien ? Il y a 50 minutes. Voilà. Vous vous racontez ou pas ? Bah oui. Et pour quel jeu ? Bah, dans Yakuza 6, il y a un des mini-jeux, c'est Puyo. Mais Puyo, moi, je sais pas jouer à Puyo. Et apparemment, en plus, on me dit qu'ils ont mis l'IA en mode vénère. Du coup, je me suis dit, putain... Il faut que je baise le truc, ça va pas le faire sinon. J'ai réussi qu'à battre 4 personnes. Hein. Ouais, bah moi j'en ai battu 6 parce que j'ai trouvé une arnaque. Et j'ai triché à Puyo. Je sais comment battre le jeu. Voilà. Et je vous dirai pas comment. Moi j'ai qu'une chose à dire, j'en suis à 9 et vous avez pas encore vu l'IA vénère. Non mais on n'a pas envie. Si, mais bien, en fait, à un moment sur Puyo, je suis tombé sur un gars, donc je mets la pièce, hein, donc ça commence la partie. Je fais tomber ma première pièce, la deuxième pièce arrive, je la descends, et là je me suis tombé à un combo. Le mec il avait fait une chaîne x9, parce que moi il me faut le temps d'analyser et tout, hein, c'est pour ça, mais j'ai eu le temps de faire tomber deux pièces, il m'avait fait une chaîne de 9 dans la gueule. Ça va? Parce que je le redis, moi je fais pas tomber les pièces à fond, parce que je sais pas où les poser et tout, mais voilà. 4 hits, il me semble que tu remplis quasiment la moitié de l'écran, donc 9 hits, c'est la mort. Ah oui, je suis mort en 10 secondes. Voilà, ouais. C'est propre. Sur le coup, ça nous éloigne un peu de notre sujet. Mais, voilà, et j'ai voulu tricher parce que je trouvais ça abusé, et donc voilà. Mais il y a plein de fois où j'ai triché. Enfin, où j'ai voulu tricher. Bah, déjà, on pourrait commencer avec les autres. Bah, Pelle qui dit rien, Pelle. Moi, je suis pas un tricheur. L'innocent, main pleine. Ah, pour tricher, il faut déjà finir les jeux. Ouais, déjà. Mais ça dénonce. Mais justement, après, il y a triche. Je veux dire, quand tu as la possibilité, quand le jeu t'offre une possibilité, est-ce que c'est quand même triché? Non, parce que quelque part, c'est un peu comme si il y a Binding of Isaac, tu veux faire les défis. À un moment donné, tu es obligé de reroll à l'infini, tu es obligé de faire reset à l'infini. C'est vrai que pour l'instant, ce que je fais dans Puyo reste acceptable par le jeu et faisable. Ah, c'est pas voilà. Un cheat code ou autre. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est de la triche vraiment en réalité, tu vois? Parce que moi, quand je pense à triche, c'est vraiment un truc qui est génial. Tu le prends en traite. Tout ce qui, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais tout ce qui offre les Game Genie et tout ça, Beyond quoi, tu vois, je pense. Okay. Ouais. Bon, alors, non, je n'ai jamais triché, alors bien évidemment. Non, j'ai rendu Moa sain. Ok. Ah, vous êtes bien, vous. Parce que alors, moi, perso, il suffit qu'on me dise qu'un cheat code est disponible ou qu'il y a des codes Game Genie un peu rigolos. Ah ouais, Ah oui, mais alors, attention. Tu parles là pour tester, pour se marrer. Ouais. Pas pour finir le jeu. Après, s'il y a eu. Parce que sinon, dans GTA, moi, tous les cheat codes, ils y sont passés. Hein. Ah oui, dans GTA, c'est mon arrière, quoi. Ouais. Revenons déjà à la genèse de ce qu'est la triche, entre guillemets, au commencement. Moi, les premiers souvenirs que j'ai de triche, entre guillemets, c'est dans les magazines du style Tilt ou Joystick. Je me souviens qu'il donnait des lignes de code à aller chercher dans les jeux micro-ordinateurs avec des variables à changer pour pouvoir évidemment t'octroyer des choses auxquelles tu n'avais pas forcément droit pendant une partie. Oui. Est-ce que tu te souviens de ça, Chou? Est-ce que tu as déjà fait toi ce genre de choses toi qui bien sûr. Micro-ordinateurs. L'époque. Ah mais Beyond, ouais, tous les codes aussi, monsieur. Je parle à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment chercher la ligne de code avec la variable à changer. Voilà, après quelque part, pour ceux qui sont peut-être, on va dire un peu moins vieux, mais qui ont connu les 95-98, c'est un peu comme par exemple dans Worms ou dans certains jeux, on modifiait le fichier .ini pour le fichier config du jeu, histoire de rajouter des armes ou des trucs comme ça. C'est exactement le même principe, peut-être en plus simple. Sur Amstrad ou sur Commodore 64, trouver la bonne ligne, modifier le truc, et scroller avec les touches du clavier, c'était peut-être pas forcément optimal. Mais alors, comment ça se passait à l'époque? C'est-à-dire, tu modifiais ton programme original ou tu modifiais... Enfin, c'est un peu genre, comme si tu modifiais ton jeu, en vrai. En gros, ouais. C'est ça le problème. C'est-à-dire, tu pouvais faire n'importe quoi. Comment dire, n'importe quoi. Tu pouvais te louper. Oui, aussi. C'est pour ça aussi, quelque part, je pense que... Après, en fait, comment dire, les micro-ordinateurs, j'ai découvert... Enfin, les micro-ordinateurs anciens, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années. Hein, faut être honnête. Mon premier PC, je l'ai eu en 98. Mais bon, pour le coup, l'expérience que j'en ai avec les jeux PC, tu modifiais... pas vraiment le jeu en lui-même, tu modifies des variables en fait, tout simplement. D'accord. Tu vas pas par exemple faire un truc dans le jeu qui te dit si j'appuie sur la touche W sur le clavier, ça m'envoie à la fin. C'est là où oui. Oui. Non, là c'est de la programmation, ça c'était. Voilà, oui. Ouais. Et moi ce dont je me souviens à l'époque aussi, c'est les plans pour certains jeux qui étaient dessinés à la main. Mm-hmm. Ça, c'était des grands moments, moi je m'en rappelle. Ah, ça, c'était un classique. Super Mario 3, je m'en rappelle encore de la sauce. Bah, le Wonder Boy Monster World qui avait fait un gros article dans le Console Plus à l'époque, et puis même qui, les mecs, les gamins qui avaient fait le plan, je me rappelle, ils étaient invités dans le Micro Kids de l'époque, même à la télé, à cause de ce plan-là, quoi. C'est fou. Enfin bref. Mais c'est ça qui était bien à l'époque, c'est que. Avant qu'on commence à avoir des vrais plans faits avec des photos et tout ça, oui, c'est vrai que la première chose que les gens faisaient, c'était comme lorsque tu avais ton Zelda NES et tu te disais, tiens, je vais me faire un plan à la main. Exactement. Mmh. Pareil pour Metroid. Metroid et Metroid 2, c'était pareil, où tu faisais ta carte à la main. Parce que quand on parle de triche, enfin triche de manière générale, est-ce que regarder une soluce, c'est tricher? Un plan. Dans l'absolu, oui. Bah oui. Hein. Dans l'absolu, oui. Après, oui, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Ah bah alors j'ai triché. Le gars qui change d'avis, c'est... dans un quart d'heure, le nouveau retournement de veste. Mais on a tous triché, on a tous regardé des solus. Mais à un mais moment, c'est... on a tous regardé les solutions. Ah bah, moi, Metal Gear Solid, je n'avais pas de PlayStation. Du coup, je l'ai fait dans la Solus. Vous savez, maintenant, maintenant les jeux, ils font les jeux sur YouTube, en regardant les vidéos YouTube, les Let's Play YouTube. Bah, moi, je faisais ça en regardant les Solus des magazines. Après, il y a des jeux, t'es obligé de tricher. Je vais en citer un. Hein. Non. Valkyrie Profile. Non, tu mens. Sans guide, tu peux pas le finir normalement. Ah, si, tu peux le finir, c'est... mais t'auras pas non, la fin... Non, mais normalement, c'est-à-dire la fin normale. Ouais. Pas la fin dégueulasse, parce que t'as pas su ce qu'il fallait faire. Parce que comme on te le dit pas explicitement dans le jeu, on peut pas savoir. Et sans guide... Moi, ça me rappelle certains jeux de l'époque aussi qui... Enfin, sans guide... Moi, je me souviens avoir joué à Myst sur Saturn. Des jeux comme Myst. Oui. Même en s'y mettant à plusieurs sur le même jeu et en échangeant nos idées... c'était compliqué. Et tout ce qui était point and click aussi de la grande époque, alors peut-être pas les LucasArts, encore que il suffisait de tout toucher un peu à tout. Moi, je me souviens notamment des Discord, où solutions dans Discord étaient mais plus que capillotractées. Quoi. Ah oui, oui. Ah, le Discord 2, mentalement vôtre, j'adore le jeu, mais j'ai encore un peu extérieur. Même le 1, c'était violent. Ouais, bah quand tu vois la base de ce que c'est, déjà c'est bien tordu. Ah oui, c'est Pratchett. Hein. Terry Pratchett, voilà quoi. C'est le genre de choses, tu lis déjà les romans, t'as compris. Hein. Ouais. Totalement. Les premiers plans vraiment dont je me souviens de jeux vidéo à l'époque dans les magazines, c'était Player One. Oui, Player One prenait vraiment soin de publier des plans entiers de jeux. Oui. Il demandait beaucoup de l'aide de contributeurs, en fait, hein, de lecteurs. Hein, n'hésitez pas à envoyer vos solus et tout. C'était rarement de leur fait, en fait, ces réalisations-là. C'était souvent des lecteurs qui envoyaient ce genre de trucs. Moi, je me rappelle aussi dans Megaforce. Parce que Megaforce est une Master System, évidemment. Hein. Oui. J'achetais Megaforce. Toi aussi, Beyond, je présume. Moi aussi, bien sûr. Ah, tu as une Master System, Beyond ? Je sais pas. Merde. Il fut un temps. Voilà. Et l'autre chose dont je me souviens dans Player One aussi, qu'il n'y avait pas forcément chez les autres, il y avait des aides de jeu, c'est-à-dire dans la rubrique Tips, oui. On disait Tips à l'époque, genre du truc. Trucs et astuces. Et il y avait des lecteurs qui envoyaient pas des triches, mais juste des techniques. Oui, de des aides. Pour expliquer comment faire certaines choses, des aides. Voilà, ou comment gagner aides. Plein de pognon dans un jeu ou. Ouais, mais sans tricher, mais avec juste une technique, voilà. Une astuce, un petit tips. Le tips. Et enfin, moi, je me souviens que je, parce que il y avait pas mal de pages de trucs astuces ça devait être 7 ou 8 pages à chaque fois pour une dizaine de pages. Et tu cherchais des fois s'il n'y avait pas un jeu que tu avais histoire de découvrir quelque chose qui t'avait échappé. Mais après, à côté, tu avais des hors-séries spéciales trucs astuces aussi hein, qui sortaient. Les spéciales trucs astuces, c'est apparu un petit peu plus tard, à l'époque de la PS1. Voilà, et puis à la super fin de la Super Nintendo, tout ça. Là, je parle vraiment des premières, lorsqu'on était, comme tu dis, à la Master System, NES ou la Mega Drive était là, la Super NES n'était pas encore sortie. Ouais, c'était des petits encarts dans les magazines où tu avais tes trucs. Ouais, aussi organisé que ça, oui, c'était. C'était pas encore la mode des hors-séries et tout ce genre de choses qui viendra quelques temps après. Ouais. Ou justement. J'ai des hors-séries déjà, moi, avant même la création de... Alors, c'était quoi le joystick ou le joypad, avant même la création de déjà des hors-séries hein, qui complétaient certains trucs, hein, et je les ai. D'accord. Ouais, mais c'était pas aussi généralisé. Tu sais, tu prends les bibles astuces, c'est vraiment un truc, un pavé. Oui, oui, oui. Oui, c'est vraiment les trucs vraiment particuliers qui ne sont pas à choix. Ouais. C'était pas aussi généralisé à l'époque. Parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est plus tard, quelques temps après, donc tous les plans faits à la main sont remplacés par des plans photographiés. Photographier à même la télé. Ça paraît un peu compliqué, on va expliquer aux gens. Avant, donc, il fallait placer un appareil photo sur un trépied devant un tube cathodique, utiliser un appareil photo qui permettait de régler l'ouverture du diaphragme sur un temps d'exposition long, Très parce long, que ouais. sur un temps d'exposition court, ça créait des, ça prenait les parasites de la télé. On avait, enfin voilà, c'était, ça fonctionnait pas correctement. Oui. Et donc on prenait photo par photo en faisant avancer le personnage à l'écran. Et ensuite, eh ben c'était du montage à la main, c'est-à-dire oui, on oui. développait les photos oui. et il fallait oui, faire du montage. Guillaume, ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que j'avais discuté de ça avec un pote qui est ami avec El Didou de Player One justement. Mm-hmm. Et il racontait que quand il faisait célèbre pour son fameux Didou but, qui consiste à bourrier dans le gardien, il repousse la balle et tu marques. Voilà. Et il racontait que c'était un cauchemar à faire ces plans-là, mais un cauchemar. Ils étaient obligés de prendre 4 tables, tu sais, de les rassembler pour pouvoir faire tout le montage photo comme tu le décris. C'était juste incroyable le boulot, c'était incroyable. Et donc voilà, c'est parce que c'était, enfin voilà, c'est moi à l'époque, je me souviens quand j'étais jeune, et un jour je m'étais dit, bah ouais, c'est, je vais faire comme eux, je vais prendre un appareil photo et je vais essayer de prendre des photos et voir ce que ça fait. Mais non, c'est super compliqué. Ouais, c'est chaud. Ouais. Et ils le faisaient. Et puis les photos, en plus, c'était pas comme maintenant, hein, tu l'as dit, mais tu prenais ta photo, mais c'était de l'argentique, quoi. Enfin, c'était pas du numérique. Donc ta photo, il fallait la développer, regarder si ça si c'était une bonne photo, enfin voilà, ouais, c'est la majorité du temps, c'était des photos qui étaient quand même relativement sombres. Hein. Oui. Oui. Et puis avec le petit détail qui montre bien à l'époque qu'ils étaient obligés de faire avec les moyens du bord, avec le pose qui était inscrit en plein milieu parce qu'ils pouvaient pas faire autrement, quoi. Sur chaque case, c'est pose. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Voilà, c'était un travail énorme, et au bout d'un moment, il y a eu donc une telle demande pour ces plans-là, qui se sont mis à sortir des hors-séries, où le but du jeu, c'était juste d'avoir des plans, et des trucs et astuces au milieu, il y avait des encarts trucs et astuces pour plein d'autres jeux, et en plus, on avait ces plans donc qui essayaient de couvrir plein de jeux différents, alors ils appelaient ça des bibles, certains, ou un truc comme ça, mais je me souviens qu'avoir acheté ce genre de bible à l'époque... Plus c'est idiot parce que tu les achetais parce que genre t'avais sur les 10 jeux t'en avais un en milieu qui oh tiens si j'ai celui-là donc je vais l'acheter. C'est même pas forcément utile, des fois tu achetais les choses en te disant que peut-être un jour t'allais les utiliser, je sais pas. Oui, moi j'en avais un de Valkyrie Propal justement hein. Avec toutes les jolies photos, mais le magazine était tout pourri parce qu'il s'était trompé dans les photos. Ah, oui. Tout le test avait quasiment toujours les mêmes photos. C'était toujours la même photo. Ouais, je me rappelle plus, je ne veux même plus l'avoir. Quoi. Au final, j'avais acheté ça pour rien. Ah oui, oh là là, les boules. Ah ouais, carrément. Et sur cette époque-là, il y avait une demande donc, des gens d'avoir des plans sur certains jeux, des jeux de plateforme, des jeux comme ça. Et Nintendo aussi a pris l'initiative, donc à l'époque de la Super Nintendo, de sortir quelques jeux en France avec des guides. Oui. Et où donc là, on avait un travail officiel, entre guillemets, de la part de Nintendo. Où donc sur Super Nintendo, c'est pas compliqué, il y a eu 6 jeux en tout et pour tout qui sont sortis accompagnés avec un guide, qui sont donc Super Metroid, Secret of Mana, Secret of Evermore, Terranigma. Illusion of Time et Mystic Quest Legend, qui n'existe pas. Ah oui, Mystic Quest, c'est vrai qu'il y avait ça, oui. C'était le jeu pour les noobs européens du RPG qu'on a rendu très facile, mais on leur a donné un guide en plus des fois que... Et il existait après d'autres guides sortis, mais qui sont beaucoup plus rares et beaucoup plus compliqués à avoir, donc si jamais vous mettez la main un jour, ou si vous avez à vendre, je suis intéressé, un guide de Poki et Rocky 2 sur Super Nintendo qui existe en version française. Ouais, il y a Poki et Rocky. Poki Rocky 2, il y a un guide qui existe en français avec une couverture souple qui est juste de l'introuvable. Et tu l'as, toi, bien ? Je sais pas ça. Non, c'est justement pour ça que je lance un appel, genre. Mais... Ah ben, oui. Et moi, et c'est petite pelle, petite pelle, tu l'as, toi. Rassure-nous. Le guide ? Oui. Non, j'ai pas le guide. Non. Bah alors, pourquoi tu fais ton malin, alors, là ? Je le découvre que maintenant, je le savais pas. J'ai oublié. Et moi, il me semble que c'est les premiers souvenirs que j'ai vraiment de guide officiel sorti avec un jeu. Est-ce que vous avez le souvenir de guide officiel sorti à part dans le commerce, vraiment à part du jeu, quoi? Bah, officiel. À part du jeu, je sais pas. Je sais que sur Mega Drive aussi, il y avait un jeu, je sais plus lequel, qui avait une notice de 400 pages et que du coup, c'était plus ou moins un guide aussi. Eternal Champion. Pardon. Non, merde, c'était quel jeu ? Ah, je sais plus. Sur Mega Drive, il y avait Phantasy Star 2. Ouais. Qui était vendu avec un guide, mais le guide était avec le jeu. C'était pas avec le jeu. Ouais. Pas... Oh, mais sur Super Nintendo aussi, oui, remarque. Donc, oui, il y avait Phantasy Star 2 sur Mega Drive qui était vendu avec. Il me semble qu'il y avait The Immortal aussi qui avait une espèce de guide avec. Moi je pensais à The Immortal qui avait un gros guide. Oui, c'était lui qui. Celui qui était vendu avec, on a déjà parlé, c'est Rings of Power. Il était vendu avec la solution complète. D'accord. Sur Mega Drive, quoi. Le premier jeu de Naughty Dog, hein, quand même, hein, faut le rappeler. Oui. Et il était vendu avec la solution complète dans le truc. Ouais. Voilà, donc sur le coup, il y a eu quelques vieux exemples en tout cas. C'est vrai que les guides officiels, c'est un truc qui est resté, ça. Par contre, même à l'heure d'Internet, hein, ça se voit encore. Quoi. Généralement, quand c'est pour un gros jeu, ouais. Ouais. Et surtout que maintenant les guides officiels, ça reste quand même maintenant plus des pièces de collection. Oui, plus que effectivement. Et maintenant ils sont beaucoup plus chiadés que ce qu'on avait avant. Oui. Ah là là, mes beaux guides officiels. J'aime les guides officiels. Je suis comme toi, j'aime beaucoup les guides officiels aussi. Voilà. Moi, c'est pas quelque chose qui me passionne. Hein. C'est même pas pour le jeu, c'est pour l'objet en lui-même, en fait. Pour moi, les guides officiels, ça a vraiment explosé avec l'époque PS1. Oui. Et je pense que un des plus emblématiques, hein, j'aime bien toujours raconter cette histoire, c'est le guide de Final Fantasy VII, qui est sorti en France en petit format A5, et en noir et blanc. Et ce guide, je l'ai eu entre les mains. Ouais. Quand j'ai acheté le jeu, et j'ai dit... Bon, non, ça va, j'ai pas besoin d'un guide. De toute façon, j'achète des magazines qui, des fois, te marquent des solus. Ça, j'ai pas besoin de ça. Ouais. J'aurais dû l'acheter. Ce guide vaut plus de 200 euros maintenant. Voilà, c'est ça. On peut parler des guides qui vous demandent d'aller voir la suite sur la net. Non, chut, non, ça, on n'en parle pas. Il y a eu des jeux PS1, donc il y a eu des guides. Il y a eu, moi, surtout celui de Metal Gear, qui est pas mal, connu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme jeu PS1 les jeux Square, hein, les FF. Tous les FF, oui. Secret of Mana. Jusqu'à donc. Parasitem aussi a eu son guide. Jusqu'à ce que oui, donc un jour, Squaresoft se dise tiens, on va tenter un truc. On va sortir un guide avec. En demandant aux gens dans le guide d'aller voir les compléments d'information sur les internets. Donc Final Fantasy IX. Voilà. On était à l'époque de Final Fantasy IX. Nous étions donc en 2001. À peu près, je crois. Et niveau démocratisation d'internet, on a connu mieux. C'est ça. Et ce guide est vraiment mauvais. Parce que. Les trucs, on va dire, qui étaient intéressants, étaient allés chercher sur le net. Mais je pense même pas qu'ils aient pensé à mal en faisant ça. Eux, c'était vraiment dans leur truc du « Ah, c'est le futur, mais maintenant, quoi. Regardez comme on est à la pointe et tout. » Et en fait, du coup, ça fait que t'achètes un guide 15 balles. C'était 15 euros à l'époque. Et il est pas complet. aussi peu cher à l'époque. Oui, c'était 15 euros. Je m'en rappelle plus. Si. Et moi, ça m'a tellement déçu, quoi. Bah ouais. J'étais pas bien. À l'époque, moi, j'avais de la chance, j'avais déjà Internet à la maison. Donc, j'étais pas déçu, j'étais un peu perplexe, en vrai. J'ai imprimé, je les ai encore, les pages imprimées de l'époque, sur l'imprimante à jet d'encre. Je les ai imprimées aussi. Mais alors, c'est là où c'était chaud parce que bon j'étais allé je sais plus où dans un cybercafé aussi encore je crois pour acheter mes pages. Après tu veux les imprimer tes pages quand c'est la carte du monde qui t'indique là où sont certains objets et tout et que du coup t'as toutes tes cartouches couleurs qui passent pour une seule pour un seul écran t'es pas bien non plus hein. Il a coûté très cher ce guide hein. Très très cher. Non c'était pas, faut pas faire ça, pas en 2001. Pas encore. D'ailleurs, pour le 10, ils ont Bagdash. Hein. Ils l'ont jamais refait après. Ils ont bien dû voir que ça allait pas, quoi. Oui, truc. Pour le 10, il y a un seul truc qui était pas disponible, mais c'était toutes les combinaisons d'Alchimie de Riku. Mais là, le tableau était tellement énorme qu'il fallait 400 pages juste pour le faire. Donc, ils l'ont pas fait, quoi. Ils ont juste donné les trucs utiles et voilà. Mais oui, mais ils l'ont parfait et plus jamais ça a été refait. Par personne. Ouais, ils se sont dit. On a déconné là, les mecs. Ouais, c'est clair. Ils ont dû recevoir du courrier, mais incendiaire à cause de ça. Je sais pas si c'est vendu à ce point-là, le truc, mais ouais, c'était décevant. Et après, donc oui, pour tout ce qui. Après, les choses se sont nettement plus organisées au niveau des sorties de guides. On commençait donc à l'époque PS2 à voir. Pas mal de guides à l'époque PS2, GameCube, dès qu'il y avait un peu un RPG qui sortait, il y a pas mal de guides qui ont été dispo à l'époque. Bah moi c'était ouais, même pour des jeux comme des Metal Gear ou de Baton Kytos. Ouais. C'est justement à cette époque PS2 que j'ai eu connaissance de ces guides officiels avec Final Fantasy X, et c'est là que j'ai commencé à les collectionner pour de vrai. Donc ouais, on en voyait plein dans les magasins et tout. Jusqu'à arriver à notre époque où maintenant, il y a encore des guides qui sortent, mais on peut se poser la question de l'intérêt, de l'attrait, parce que finalement, il n'y a plus beaucoup de jeux maintenant qui proposent des choses réellement cachées. La plupart des jeux à monde ouvert maintenant ont prévu le coup, et il y a toujours un moment ou un autre une carte ou un moyen d'avoir les choses cachées. Je pense que l'intérêt d'un guide aujourd'hui est un peu plus relatif qu'à l'époque. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font des versions collector des guides. Pour avoir des artworks, ce genre de trucs, tu vois. Oui, voilà. Je vais prendre l'exemple d'un. Parce que j'ai beau. Ouais, voilà, c'est un bel objet. Je vais prendre un exemple aussi d'autre chose qui peut montrer un peu l'obsolescence du format guide papier. C'est que par exemple, pour Final Fantasy XV, ils ont sorti le guide. Et quelques mois après, il y a une grosse mise à jour du jeu. Et bah ça, tu peux pas le mettre à jour ton guide. Donc ce qu'avait fait l'éditeur, c'est ils avaient fourni un PDF à tous ceux qui avaient acheté le guide avec tous les changements. Mais ça, ils le font pas tous, hein, les éditeurs de guides. Et après, il y a l'autre façon de voir les choses, donc avec ce que fait Nintendo avec Zelda Breath of the Wild. Ouais. Ils ont ressorti un nouveau, c'est ça que tu veux dire. Un nouveau guide avec les DLC inclus. Avec les DLC inclus. Mais moi, ce que je voulais en venir par rapport à. Bah, notamment, tu vois, Breath of the Wild, bah, je sais pas, trouver tous les Korogu sans guide, faut quand même s'accrocher. Après, il y a des jeux bien particuliers où le guide. Sur FF15, je te promets, il y a des quêtes, sans le guide, je les aurais pas trouvées. Oui, d'accord, oui. Pour les RPG, le guide encore, c'est quelque chose. Qui se fait très bien. Pour un jeu d'action ou autre. Non, mais j'avais vu par exemple des guides pour les derniers Tomb Raider, pour les derniers Batman Arkham, ouais, pour là, Assassin's Creed. Ouais, achetez là, pas ces guides, les gens. Si le guide en lui-même est un bel objet, ou t'as masse de trucs en plus, des jolies illustrations, si c'est vraiment un objet de collection. Voilà, si c'est juste pour le jeu en lui-même. C'est du collector avec une couverture en carton, des artworks, tout ça. Voilà, c'est ça. Oui. Là, c'est plus le bel objet. J'ai failli acheter le guide collector de God of War. Je me suis dit, bah non, 30 balles. Après, moi, je suis quelqu'un qui achète des guides, mais de RPG. Comme c'est mon genre de prédilection, c'est vrai que je suis plus enclin à acheter des guides pour des RPG. Après, de manière générale, ces guides-là, c'est pas des choses aujourd'hui qui prennent beaucoup de valeur. Ça dépend des jeux. La grande story. Le Vagrant Story a peu de cotes, le celui du premier Kingdom Hearts aussi n'est pas très évident à trouver. Mais après, la plupart des guides aujourd'hui, les magasins qui les vendent 50-60 euros, ça touche un peu. Ils les vendent pas sur. Ouais. Bah, je sais pas, parce que là, le livre Collector, là, Solus de Breath of the Wild, édition Deluxe Plus, là. Lui, il doit être chaud à trouver maintenant. Je suis sûr que lui, il doit coter, hein, alors qu'il est tout récent. Ouais, mais encore, ça reste c'est particulier. Ça reste un Zelda, c'est du Nintendo. C'est une édition vraiment très, très, très spéciale. Bah ouais. Bah tu vois. Là, on est dans le haut du panier. Même dans le trop haut du panier. Même. Sachant que le guide en lui-même, de base, coûte 70 balles en plus. Voilà. Là, bah là ouais. ça reste quand même une exception en termes de guide. Je sais pas combien il peut être là, mais ça se trouve c'est un code violent. Après, c'est un produit Nintendo, donc c'est toujours plus cher que la moyenne. Après, les, entre guillemets, la triche ou l'aide dans les jeux Nintendo, ça date pas d'hier. Alors, la Hotline. Non, qui n'a jamais essayé le code pour affronter Mike Tyson dans Punch-Out? Pas moi. Possible d'arriver au bout. J'avais pas de NES. Voilà. Là, en, je vais l'annoncer histoire de vous faire marrer, mais en septembre, je vais lancer un cours lors d'un événement que j'organise. Je vais mettre les gamins devant Mike Tyson, je vais dire voilà, celui qui tient le plus longtemps, celui qui arrive à survivre le plus longtemps, en plus dans mon respect, il va gagner quelque chose du coup. Donc voilà, je pense que ça risque d'être très drôle et pour le coup, va falloir utiliser un cheat code parce que j'ai pas tellement envie de me retaper tout ça. Et ouais. Donc, dans l'ordre, parce que je voulais parler des action replay et tout ça, mais Buzzdick, tu as parlé de la hotline Nintendo. Mm-hmm. Et ça, c'est un autre sujet intéressant. Les et hotlines. Oui. Les hotlines, c'est-à-dire les hotlines bah, pour l'instant, au début téléphonique, donc avec le fameux. La fameuse hotline Nintendo. C'est le maître Sega aussi. On sait donc a posteriori que c'était des gens qui étaient un peu pris au pif, qui passaient leur journée littéralement à jouer pour terminer les jeux, et les gens qui vont être pendant. Ah, mais c'était des randoms qui connaissaient des jeux, qui jouaient et tout, mais ils c'était jouaient. Des randoms effectivement. On mais c'était disait, des voilà. randoms qui jouaient, c'est-à-dire c'est pas Nintendo. C'est Nintendo n'a jamais fourni des solutions. C'était les gens qui jouaient. Et ça, enfin c'est. D'ailleurs, je vous invite à lire, il y a Florent Gorge qui a fait pas mal d'articles là-dessus, justement, sur l'époque de la hotline Nintendo et comment ça se passait, qui sont très intéressants. Et après, donc, comme tu dis, il y a eu surtout en France, pour parler donc de hotline, l'avènement du Minitel. Oh, c'est donc, le Minitel, c'est même un truc franco-français, mais il faut en parler. Hein. Alors, le Minitel, hein, attention, hein, sachez qu'ils ont sorti Minitel en disant que Internet, ça fonctionnerait jamais. Hein, ils avaient du pif, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc, le Minitel, pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est Internet en plus lent. En tellement plus lent que les sténodactylos, comme on les appelait à l'époque, se plaignaient qu'elles tapaient plus vite que ce que ça transmettait les informations. Mais c'est vrai. Hein. Par contre, Internet a été officiellement coupé en France, je ne sais pas quand, est encore utilisé par l'armée. C'est un des moyens les plus sûrs en termes de communication. Le Minitel ou Internet le Minitel. N'oubliez jamais les pixels du Minitel. Et donc... Oui, vas-y. Non, mais voilà, juste pour dire que le Minitel, en fait, il est encore utilisé par des gens, quoi. Ça me fait marrer. Donc, à l'époque, on pouvait, si on avait beaucoup d'argent, parce que le Minitel, c'était pas gratuit. Quand il fallait payer à la communication, on pouvait faire 3615 Sega. Mm-hmm. On pouvait aussi faire 3615 ULA, pour ceux qui se souviennent. autre chose. Faites-le si vous avez plus de 18 ans, hein, attention. Si vous avez un Minitel, si vous avez 18 ans ou 15, ça ne change rien, puisque le temps que ça s'affiche, hein, vous auriez vieilli de 4 ans. Et les trentenaires, vous vous souvenez, mais non, je regarde Culture Pub, là, là, là, là, là. Voilà. Bref. Et quelques temps après, donc, est arrivé, donc, bah, toujours sur ce Minitel, parce que c'est quand même là qu'a commencé, et on va être obligé d'en parler, parce qu'on a un insider ici, et que si on n'en parle pas, on ne va pas la faire de pub. Le 3615 de THJV est arrivé. Oui. Qui était quand même la première itération de ce qui deviendra jeuxvideo.com. Les THJV, c'était vraiment un truc de fou. Enfin, moi, de ce que je me souviens, hein, c'était vraiment un truc de malade, c'est-à-dire que. Encore une fois, moi et mes cybercafés, hein, mais j'y allais pour télécharger la dernière version de THJV. Enfin, c'est pas que j'y allais pour ça, mais à chaque fois que j'y allais, je téléchargeais la dernière version parce que c'était vraiment un truc de malade, quoi. T'avais toutes les astuces de tous tes jeux. Dans un premier temps, le THJV, donc c'était le Minitel. Ah oui, sur le Minitel, oui. Mais oui. Ouais. Et ensuite, ensuite, le site internet a été créé et pour permettre aux gens de pouvoir consulter la database donc du site de THJV. Ils ont fait une version offline, basiquement, ont téléchargé une archive contenant l'intégralité du contenu des astuces du site. C'était sous la forme d'un fichier dead, je crois, un truc comme ça, non? Je sais plus. Vraiment. Il me semble, c'est un peu comme maintenant, quand tu tapes des trucs pour avoir, je sais pas, l'aide, une sorte de notice à la con dans un programme. Je ne sais plus comment ça s'appelait, genre cette extension de fichier. Ah zut. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Pourtant, Dieu sait que je les ai ouverts, ces trucs. Oui, hein, quand tu ouvrais le truc, ça faisait comme si c'était une aide Windows, en fait. Enfin... Oui, voilà, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je ne sais plus le nom, effectivement. Enfin, bref. C'est pas bien grave. Moi, je connais pas l'état JV, mais vraiment pas du tout. Je suis jamais allé, c'est vraiment un truc qui est totalement inconnu pour moi. J'ai encore des pages de l'état JV d'imprimer dans un classeur de Solus. Non, pour Final Fantasy VI, je me souviens. Ouais, c'est qu'il y avait des Solus de trucs étrangers en plus. C'était assez bien fourni. C'était très fourni. C'est comme enfin, ça l'est encore d'ailleurs. Ouais, voilà. Le THJV est devenu jeuxvideo.com. Il faut peut-être traduire ce que ça veut dire, état JV, non ? Encyclopédie des trucs et astuces de vidéo, c'est pas ça, non ? C'est ça. Bravo, monsieur Chou. Ouais. C'est quand tu l'as téléchargé de 200 fois. Non, mais moi je connais pas, donc je me dis qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui savent pas ce que ça veut dire. Ouais. Et donc, parmi les choses qu'il y avait donc dans cette fameuse archive de THJV, il y avait tout ce qui est solutions pour les jeux, les tactiques, les techniques, les solutions pour les boss, tout ça. Et il y avait les fameux cheat codes. Voilà. Et les cheat codes, bon, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Oui, parce qu'on m'a dit que j'allais me faire engueuler si je disais chat. Les cheat codes, là, le chat, après, il n'allait pas comprendre. Les cheat codes. Le concept du cheat code, c'est quoi ? C'est un bout de code laissé dans un jeu qui, une fois qu'on a tapé la bonne séquence avec sa manette la plupart du temps, nous donne accès à des choses supplémentaires comme l'invincibilité, choix du nombre de vies, choix d'un niveau, etc. etc., etc. La question déjà, c'est le cheat code. Est-ce qu'il est implémenté d'office, sachant que ça va être révélé pour aider les joueurs, ou est-ce que c'est du debug qui est resté dans le code ou qu'on laisse cela de manière un peu négligée? Oula, je pense qu'il y a, à mon avis, il y a les deux. Je pense surtout c'est c'est un peu 50-50. Mm-hmm. C'est un peu parfois le truc que le développeur a mis soit pour aider à débugger son jeu ou pour dire, voilà, même si tu n'arrives pas à voir la suite du jeu, tu peux au moins te faire une idée de ce qu'il y a derrière. Oui, ou c'est pour débloquer certaines fonctionnalités. Dans Street 2, ouais. C'est ORBL, YBXA, tu peux jouer avec le deuxième joueur. C'est voilà. Ça, dans le premier Street Fighter de Super Nintendo, on pouvait pas prendre le premier et le second joueur ne pouvait pas prendre le même personnage. Et grâce à ce code-là, on pouvait... Alors, la question, c'est pourquoi juste pas l'avoir implémenté dans le jeu de base ? Oui. Enfin, après, c'était peut-être aussi des choses qui, dans le jeu de base, pour le coup, là, le fait de choisir à deux le même personnage dans Street 2, faut pas déconner, c'était un truc qui aurait dû être dedans. Oui, mais totalement. Mais bon, je parle des trucs par exemple, les codes à la con qu'il y avait dans Mortal Kombat 2, 3 et Ultimate, qui étaient des fois des trucs qui cassaient encore plus le jeu, qui étaient déjà bancal à la base. Donc code pour mettre le sang dans le premier Mortal Kombat sur Mega Drive, voilà, effectivement. Ouais. Mais ouais, non, mais on a raison. Ouais. Pourquoi ne pas l'avoir inclus directement ? C'est comme ça me rappelle exactement Dragon Ball Butoden 2, dans lequel, avec les codes, tu avais Sangoku et Vegeta en super guerrier. X, Babé, Y, R.A. Voilà, et tu... Je m'en rappelle encore par cœur. Et tu dis, mais comment c'est possible que. C'est à l'époque, tous les super guerriers, tout le monde voulait être super guerrier. Hein, je sais pas si. Le truc, c'est que, est-ce que ça ne voulait pas juste dire à l'époque, achète le magazine pour trouver l'astuce ? Bah, oui et non. Dans le cas de Konami, avec le Konami Code, ils le mettaient dans tous leurs jeux, donc c'était connu. Ouais, attention, après, pour le Konami Code, t'as quand même des Konami Code trolls. Oui, parce qu'ils savaient que t'allais le faire, voilà, c'était connu de base. Dans je ne sais plus quel parodius tu fais le Konami Code, ton perso, il crève. Oui, voilà. Sur Super Nintendo, là, ouais. C'est bon, par ça. Si tu mets ta manette à l'envers, et du coup, t'as les boutons à gauche et le pad à droite, et tu refais le code Konami, voilà, avec la même séquence de trucs, mais là, par contre, ça fonctionne. Ah, voilà, c'est bon, ça. Ils savaient effectivement que tu allais le faire. Mais c'était un truc qui était connu, donc ils mettaient leur code. C'était un truc de particulier. C'est ça. Le Konami Code, c'est le plus emblématique. C'est le plus Oui. De tout. Bien sûr. La Freebox, là, s'en est même servi pour dézoner son lecteur Blu-ray. Tu vas partir de là. Hein. D'accord. Qu'est-ce que tu vas répondre ? Ouais. Konami Code. Oui, c'est magique quand même. Ouais, j'imagine bien le mec qui sait pas comment faire. Ah merde, j'ai ça dans le truc. Bon, allez, oh, oh, baba, gauche, droite, merde, merde, ça marche, bordel. T'as ta manette dans les mains, tu fais, ça marche. Il y a même, le... même sur Facebook, il existe ce code-là pour, ma... pour faire ouais. tout cacher. Enfin, l'origine du Konami Code, pour dire quand même, c'est le jeu Gradius sur NES. C'est la conversion Gradius bah, Famicom NES du jeu d'arcade, du shoot'em up d'arcade de Konami, mm-hmm. où le Konami Code vous octroie tous les power-up une seule fois pendant la partie. Voilà, si vous faites pause. Par contre, t'as tous les power-up, mais il faut quand même que tu grindes un peu pour activer le laser, il me semble. Ça te remet en fait les deux options, mais ça te laisse les tirs de base. C'est ça. Mmh. Oui, t'inquiète, je l'ai fait des dizaines de fois. Et c'est comme ça que ce code-là est né et qu'il est utilisé dans beaucoup de jeux Konami, forcément. Ah, c'est devenu voilà. la référence des codes, ça. En fait. Bah ouais, et c'est justement ça, c'est le fait que ce soit exactement le même code, donc la plupart des jeux Konami hein, qui l'ont rendu célèbre, parce que le code existait bien avant, quoi. L'idée de faire un code, évidemment. Oui, mais après, ouais, c'est le code qui est le plus connu. Voilà, ouais, parce que justement... Il était répété dans plein de trucs. Et les gens, ils voyaient bien, ils disent c'est la même chose. Ce qui est rigolo, par contre, c'est que le code, il n'est pas en fait la même utilité en fait. Enfin, oui, mais c'est totalement différent selon les jeux. Ouais. Bien sûr. Ouais, t'as protecteur ou contrat. Il me semble que t'as 30 vies, quelque chose comme ça. Et maintenant, les codes pour débloquer les bonhommes ont été remplacés par les DLC. Il faut payer avec ton code aussi, toujours. Non, mais tu ressors une dague de tes planches, là. Mais oui, ça suffit. Une planche là-dessus. Je pense qu'il s'est inspiré de Mortal Kombat XL avec les fatalités, quoi. Je connais un peu tes planches, Pelle. Voilà. Quand même, un peu. Mais non, mais c'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Hein. Je veux dire, voilà. Ah oui, et donc c'est ça, Yudo précise, il a raison, c'est vrai que le code servait pour jouer avec Broccoli, et tout le monde avait envie de jouer avec Broccoli, oui. dans Mabutoden 2, bien évidemment. Ah, c'était Broccoli, je crois que c'était en super guerrier Sangoku et Vegeta, mais oui, ah, c'était moi, Broccoli. Je vous mets une version spéciale du Konami Code, que justement, c'est tellement tout le monde a envie de jouer avec Broly que c'est le premier personnage qu'ils ont collé en DLC payant pour... FighterZ. Je voulais juste par rapport à ce que je disais avant, bon, est-ce que les cheat codes sont juste là que pour aider les joueurs ou pas parfois, moi il y en a un qui me vient à l'esprit et qui me tourmente depuis ma plus jeune enfance, c'est la manipulation à faire pour pouvoir avoir plein de vie et toutes les potions pleines dans Solstice sur NES. Ah, j'ai pas utilisé le code sur dans le Solstice. C'est quoi? J'ai jamais joué à Saucisse, j'avais pas de Alors, moi, je l'ai. Saucisse. J'ai pas dit Saucisse, j'ai dit Saucisse. J'ai compris. Il existe un code. Le tueur à la saucisse au marteau. Fabrice Saucisse. Dans Solstice sur NES, pour pouvoir avoir toutes les potions à fond et un très grand nombre de vies qui rend le jeu, disons, légèrement plus acceptable. Parce que sinon, Le jeu est difficile. Voilà. Ouais. Appuyez sur Select pendant le jeu pour aller dans le sous-menu. Faites B, Start deux fois, B deux fois. Il y a tout un code, une séquence à faire. Et ça fait vie infinie et toutes les potions remplies. D'accord. Ah oui. Et ce jeu, pour moi, c'est l'image même du jeu. Juste impossible à finir en temps normal. Quoi. Et à l'époque, je me souviens qu'on faisait ce code-là, trouvé dans les magazines des jeux vidéo. Mais c'est sûr, c'est pas parce que t'étais juste là. Parce qu'on parle des codes justement en vie infinie, cheat et tout, que j'utilisais. C'était pour le Dragon Ball sur NES, justement. Oui. Et tu connais le code, la particularité qu'il avait ou pas? Non. C'est rigolo. C'est qu'en fait, c'était sur la deuxième manette, en fait. Quand tu mettais la flèche en haut, en fait, quand tu jouais au jeu normal, Sangoku avait un maximum de vie de 90 points. D'accord? Quand tu prenais la deuxième manette et que tu mettais la flèche en haut, la vie montait. Mais genre, voilà, ça allait. Tu te rendais compte que tu pouvais aller jusqu'à 250 points de vie. Alors que, en partie normale, tu pouvais pas atteindre ça. Donc, c'était facile pour terminer les niveaux. Seulement, avec la deuxième manette, si tu continuais à appuyer, ça revenait à zéro et ça tuait le personnage. Tu vois, il fallait vraiment s'arrêter, genre à 230 pour pas espérer dépasser trop, quoi. Sinon, le personnage, il mourait. Et avec les boutons select, tu pouvais sauter les niveaux. Aller au niveau 2, 3, 4, 5, à l'infini. Quoi. Et tout se faisait sur la deuxième manette de la NES. C'est de la triche que j'utilisais. Voilà, moi, je me souviens de certains cheatcodes, certaines astuces où il a dit cheat code. Pour certains jeux, j'avais juste l'impression que c'était infaisable sans. Plus récemment, par exemple, pour avoir joué à, encore une fois, à Darius Gaiden sur Saturn, il y a un code Darius Gaiden Saturn pour passer de 2 continues à 9. Je défie n'importe quel être humain avec une patience normale de finir ce jeu avec 2 continues. Ouais, mais alors voilà. Et voilà, n'empêche que ces cheat codes et tous ces trucs et astuces, ils arrivaient quand même dans des jeux qui étaient quand même très difficiles. Hein, Il y a des cheat codes dans Yoshi's Story. Les développeurs, ils savaient très bien que un jour ou l'autre, on allait les utiliser. Quoi. Ça, je veux dire. Il y a des cheat codes dans Yoshi's Story. Il y avait aussi, je pense, du plaisir de programmeur. Ah, c'est de la facétie. Je pense qu'il y a beaucoup de facétie là. Ouais, notamment les jeux de David Perry. Qui contiennent tous plusieurs cheat codes plus ou moins drôles, ou justement l'apogée c'est pour le jeu Earthworm Jim, lorsqu'on fait un code où Jim vous dit cheater avec sa voix lorsque vous rentrez le code. Ouais, je pense aux oreilles de Mickey d'Aladin, moi. C'est ça que tu veux dire, non? Mais les oreilles de Mickey, ça c'est un petit truc, c'est un Easter egg. Ouais. Plus, mais vraiment, dans Earthworm Jim, ils ont créé une digitalisation vocale pour le moment où tu allais utiliser un cheat code. Ah oui. Et il y a aussi la photo de l'équipe, entre guillemets, digitalisée, qu'on peut faire apparaître grâce à un cheat code. Ah c'est... Ouais. Ils s'en servaient comme jeu, quoi. Là, on était au-delà du cheat code juste pour se moquer et rire. Je sais pas, juste pour tricher. C'est vraiment un élément du jeu qui est là pour te faire marrer. Et moi, je me souviens aussi de... je ne sais plus dans quel jeu Mega Drive c'était qu'il y avait... Il fallait faire le code ABACAB. Qui est le nom de... L'Ocarina, pour jouer l'Ocarina. Non, dans un jeu Mega Drive, un cheat code, c'était ABACAB avec la manette. Et c'est une référence... Pardon ? C'est pas le code de Mortal Kombat pour arriver à la censure. Si c'est ça, c'est une Mortal Kombat qui en fait une référence à l'album de Genesis. Oui. Ah d'accord, ok. Du même nom. Je pensais que tu parlais sur Mega Drive du code de l'Ocarina dans Wonder Boy. Pour ça. Non, ouais, c'était le code pour enlever la censure en fait. T'es sûr? Il me semble que oui. Si, c'est ça, t'as raison. Il me semble que c'est ça. Mortal Kombat Genesis Blood Code. Qu'est-ce que c'est? Oui, on voit. Ah oui, c'est ça, effectivement. Et ouais. J'ai encore un peu de mémoire. Mais oui, un peu. Un peu. Moi, tu les utilisais tout le temps, en fait, Bostik. Bah, Street 2 et DBZ, oui. C'est des jeux, j'ai tellement joué. C'est un bébé. Ouais. Du coup, je faisais plein de remarques pertinentes et tout. Et on t'entendait pas, c'est ça. Bah ouais, mon micro était muté. On te l'a dit en privé en plus. Ouais, je viens de voir le message en privé. Tu vas nous répéter tout ce que tu nous as dit depuis un gars. Bah oui, alors tu parlais de codes qui étaient là pour les jeux difficiles et tout, et moi j'expliquais qu'il y avait quand même des codes pour Yoshi's Story sur Nintendo 64 par exemple. Donc. Il y a quoi comme code? Des codes pour passer d'un niveau. Il y a un code pour se suicider aussi, du coup vous en parliez. Il y a un code, tu tapes le cheat code dans Yoshi's Island sur 64 et ton Yoshi meurt. Mais voilà, mais tu meurs tellement difficilement dans ce jeu-là. Oui, c'est pas Donc, les développeurs, ils se sont dit merde, on a fait une animation de mort rigolote, il faut qu'ils la voient quand même. Donc, c'est un cheat code. Par contre, un cheat code de. Je sais plus, il y a une dizaine de manipulations à faire quand même. Hein. Ah oui, oui. Mais... Tu fais tourner le joystick analogique sur ton visage en appuyant sur la touche en même temps. Mais du coup, on parlait de Mortal Kombat, mais. Souvenons-nous quand même que quand le jeu est sorti, une fatalité, pour certains, c'est un cheat code. Ah oui. Tu sais, moi, je te rappelle que celle de Liu Kang. Hein. Étant donné que c'était une manip, voilà, qui n'était expliquée nulle part dans le jeu, qu'il fallait, voilà, que t'essaies... Beaucoup trouvaient que c'était de la triche. Et je me souviens même de la sortie de Street Fighter 2, le mec qui savait faire un Hadoken, comme ça, normal, en claquant des doigts... Il y en a beaucoup qui refusaient de jouer contre. Ils disaient c'est de la triche, ils frappent les projectiles. J'ai eu le droit, sachant que j'avais déjà joué au jeu d'arcade et que je connaissais le jeu de base. Voilà, non mais c'est vrai, je me souviens de ça. J'ai déjà eu le droit à ce genre de choses. Et comme j'ai animé un tournoi Street Fighter 2 le week-end dernier, et un gamin a trouvé comment on faisait le lariat avec Zangief, et d'un seul coup, tout le monde s'est mis à jouer Zangief parce que c'est pas compliqué, t'appuies sur un bouton, fait trois boutons et puis ben, Zangief il fait Zébulon, Tournicoti, Tournicoton. Du coup voilà comment un tournoi 16 joueurs tu te retrouves avec 12 Zangief. True story en plus, c'est un truc de fou. Ah mais ouais, ouais. Et peu de temps après, la triche prendra aussi, je repense à ça, une autre dimension, avec Feu la Nintendo 64, où la Nintendo 64 inventera donc le multijoueur à 4 sur le même écran. Et jouer un FPS à 4 sur le même écran, c'est bien. Mais le truc, c'est que si tu connais un tant soit peu les layouts des niveaux, il suffit de regarder l'écran de l'autre pour savoir où il est. GoldenEye. Que ce soit GoldenEye ou que ce soit moi, je joue à Duke Nukem 64, ça marche aussi. Et est-ce que connaître le point de respawn des adversaires, c'est de la triche pour aller les tuer automatiquement quand ils apparaissent? C'est pas de la triche. Mais... non, parce que je pense qu'on l'a tous fait. Mais moi, parce que moi, il faut savoir, c'est des jeux. J'ai la connaissance, toi. C'est des jeux, j'étais. Par exemple, GoldenEye, t'es pas moi, il était un pote. Donc, lui connaissait, pas moi. Et je me souviendrai toujours de cette phrase que j'arrête pas de vous répéter depuis qu'on a énoncé ce sujet-là là, en privé, où j'étais, mais arrête de regarder mon écran. Bah oui, mais connard, on a le même écran de télé. Il fait 36 cm, je peux pas regarder ailleurs. Oui, en plus, c'était du 36 à l'époque. Ah oui, non, mais c'est... Oh là là, oui. C'est... Qu'est-ce que j'étais con. Quand je jouais avec mon frangin et les potes, lui, il nous mettait une raclée, mais... De toute façon, il regardait même plus son écran, en fait. Non, il jouait voilà. Qu'avec les écrans des autres, quoi, t'imagines ? Non, mais t'avais pas besoin. Au bout d'un moment, quand tu connais suffisamment les niveaux, tu connais le point de respawn, tu sais quand les gens vont réapparaître. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme de la triche ? Bah... le type ne joue pas, quoi. Le type ne joue pas, il meurt. Super. Bah là, moi, je mettrais pas ça comme de la triche, quand même. Hein. Je mettrais ça quand même comme... Bah, il profite de ce que le jeu propose. La connaissance, oui. Ouais. Après, on a évoqué Street Fighter, mais dans les jeux d'arcade, des fois aussi, il y avait des cheat codes. C'est vrai. Et oui. Certains jeux, il y a GESNK de combat pour jouer avec certains persos cachés, ouais. Moi, je me souviens du Sega Rally, où en fait, c'était le même code pour débloquer la Lancia Stratos, il me semble. Du coup, c'était le même code que dans la version Saturn. Du coup, quand j'ai découvert le cheat code dans un magazine, j'ai dit, il faut que j'essaie en arcade. J'ai dû mettre, sur l'espace de 3 jours, 7 ou 8 pièces dans la machine pour essayer, pour réussir une fois sur 8, bien sûr. Puis quand tu vois que la voiture, en fait, elle se conduit comme un vieux taco, mais avec un moteur de Ferrari, bon, tu te dis, finalement, je vais garder les deux. C'est mieux. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est moins présent sur l'arcade, mais oui, tu pourrais aussi avoir des codes à faire. Ouais, et là, par contre, ça devait être marrant, ça devait impressionner les autres. Ils disent, oh, mais comment t'as fait ça et tout. Oui, oui. Mais pour le coup, alors j'en ai plein pendant l'espace d'une semaine, parce qu'on a un petit groupe à squatter la salle d'arcade. Tu saurais me le faire, vas-y, fais-moi voir le code, je vais essayer. Mais en fait, quand ils essayent, qu'ils voient que la bagnole, elle est totalement impossible à conduire, c'est le vélo Super Dingo, c'est de Alabama Man dans South Park. Mais quand ils ont essayé, qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont en fait foutu une pièce dans la machine pour rien, en fait, ils te font la gueule, quoi. Donc, voilà, c'est bien, t'as la connaissance, mais ça sert à rien. C'est ça qui est cool. Et c'est là où quand on intervient en arcade, mais aussi à la maison sur un écran comme ça splitté, une autre forme de triche quand même extrêmement connue, qui est le coup de coude. Ah oui, la grosse baffe, les doigts dans les yeux. Ça, c'est pour Mario Kart, ça. La déconcentration. Oui, oui. Et tu as aussi une autre forme de triche pour Street Fighter dans l'arcade, qui était quand tu avais l'occasion de jouer, on va dire, en borne linkée, donc à la japonaise, le coup de pompe dans la borne pour attirer ton attention, genre, je vais attirer son attention en faisant un bruit, tu vois. Plaf, un gros coup de pompe dans la borne. Ça, le type, il dit, qu'est-ce qui se passe, il regarde à côté, et puis voilà. Il y avait aussi le « Ah là là, dans mon état d'excitation avancé, j'ai malencontreusement tiré sur le fil de ta manette qui s'est débranché. » C'est dommage. Est-ce que c'est de la triche de débrancher la manette déjà? Oui, je crois que c'est juste la fille de puterie. Ah, oui, c'est vrai qu'on a peut-être passé un stade là. C'est Cause dans le chat qui nous disait ça. Ah, j'ai que c'est Cause. Voilà. Ouais, on est connecté avec Cause, ça me fait un peu peur en fait. Va falloir qu'on... Non, c'est que vous avez même degré de saloperie tous les deux. Oui, ce qui est tout aussi dérangeant, en fait. Il fallait bien trouver un moyen de déconcentrer Vous savez, quand les gens qui ont joué à Street Fighter, on avait tous, quand moi j'avais forcément cet ami quand j'étais jeune, qui prenait Chun-Li, qui se mettait en garde de basse, qui attendait. Ah, oui. Et sur le coup, tu tapais dans la garde et pouf, il contrait. Bon, tu sais, il y avait une technique simple, hein. Ado, ok. Mais on vient d'une époque où, comme tu disais, quand quelqu'un dit, mais si tu peux faire des boules de feu, attends, je vais te montrer. 20 minutes plus tard, attends, regarde, je vais te montrer. Regarde, c'est ça là, il faut faire. Regarde le manuel, il te dit, tu fais flèche du bas et puis la flèche de diagonale. Merde, c'est quoi la flèche de diagonale? Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas compris le principe des cartes de cercle dans Street Fighter. Moi, c'est pareil, Hadoken, je savais pas faire. Ce qu'il y a, c'est que si t'as découvert les jeux de baston avec Marvel vs Capcom 2, il y a un gros problème, c'est un personnage du nom de Cyclope. Ah. Ouais, Cyclope, il est... Gros point, il te spam un projectile. Bon, ah oui, d'accord. Petit point, il me semble qu'il y en a un aussi, je suis pas sûr. Alors du coup, en fait, Cyclope était bien, et puis après, oui, quand ils ont été aussi Iron Man, c'était bien. Iron Man aussi dans le style... Ah oui. Alors du coup, en fait, c'est horrible. C'est horrible. C'est quand tu joues, en fait, quand tu joues contre un pote qui connaît aussi ce genre de technique, ça finit par... Bon, bah, en fait, personne n'y joue Cyclope. Ouais. Et oui, en fait, pour répondre à Fridge Coon, oui, on connaît les Rainbow Edition de Street Fighter 2. Oh, oui. Bah, on en avait parlé au dernier podcast, d'ailleurs. Ouais, bah oui. Ce que j'allais dire, et puis il me semble que j'en avais testé un ou j'en avais joué un en stream, c'est très drôle. Et pour le coup, c'est plus une version modifiée du jeu que... C'est pas du cheat, là. Marvel, j'aime bien. C'est juste que Marvel vs Capcom 2, je n'ai jamais réussi à jouer au jeu dans le sens où le jeu, il a été conçu. Voilà. Quand je jouais avec un de mes cousins, on en a parlé alors le week-end dernier, on jouait comme des sacs parce qu'on n'est pas plus que ça. C'est tout. Mais j'aime bien le jeu. Et Ryudo, I wanna take you for a ride. C'est tout. En parlant de triche, de coup de pied, de coup de poing et tout, j'ai une petite anecdote, mais très récemment, dans une GDQ, je me pose toujours la question, il y avait une race entre deux joueurs de Zelda Link to the Past. Oui. Et à un moment, il y a un gars, on ne sait pas si c'était dans l'excitation ou je sais pas quoi, il tape du pied par terre, sauf qu'il tape du pied par terre, mais sur la console du collègue, tu vois. Ça, c'est pas cool. Et c'est abusé. Mais pour moi, c'était pas de la... Je pense pas qu'il l'a fait volontairement, mais je vous jure, quand tu regardes la situation, tu te dis... je sais pas, c'est bizarre, mais je pense pas. Mais j'ai toujours le doute qui plane quand même, qui s'installe. Jamais de bol, il se souvient de ça. Ouais, parce qu'il... Ça nous avait marqué, je me souviens, on était sur Discord, on s'est dit, mais attends, mais il en a fait exprès ou pas, là? Parce que du coup, là, la partie baisée... C'était genre, il y a quoi? Il y a 3 ans? 3, 4 ans? Il y a 2 ans, un truc comme ça. Je sais plus. Il y a vraiment un truc. Ouais. Mais j'étais là, ah bon. Donc bon. Je sais pas. Et je voulais faire, avant qu'on passe donc à la présentation d'un jeu, je voulais faire un dernier petit mot, on l'a évoqué rapidement, on parlait quand même un petit peu, tout ce qui est action replay. Oui. Ça aussi, c'est ces petites choses d'une époque reculée, donc ouais. Qui sont l'action replay et le game genie. Là, par contre, c'est la triche 100%. Là on est... Bah, si tu bidouilles l'école. Ouais, c'est pas prévu par le jeu, ni par les développeurs, et là, c'est la triche. On parlait au tout début, justement, de bidouiller les programmes des jeux à la main sur PC. C'est ce que fait un action replay, hein. Oui. Il injecte du code dans le jeu ou il le modifie et il se passe des trucs pas normaux. Ce que feront plus tard les trainers sur PC, justement, qui remplaceront les codes à la main, entre guillemets. Oui. Et donc, ouais, alors le game genie, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, ça s'intercalait entre la console et le jeu. Le game genie ne vous permettait pas de trouver vos codes vous-même. C'est-à-dire, il fallait forcément soit utiliser des codes vendus avec, soit pour les jeux plus récents, il fallait acheter des magazines qui, eux, fournissaient des codes que les éditeurs leur fournissaient ou que, voilà. Et le grand concurrent du Game Genie, c'était l'Action Replay, qui était beaucoup plus austère dans sa présentation, mais qui vous permettait de faire mumuse et de vous-même trouver des variables sur lesquelles il fallait changer les données. Et c'est celui qui a mieux survécu. Voilà. Et sur l'Action Replay, il y a eu deux versions, l'Action Replay 1 et 2. Oui. Il y en avait un qui permettait. Non, mais tu pouvais chercher ton code, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce n'était pas de la recherche comme sur l'Action Replay, où là, sur l'Action Replay, tu regardais, te permettais de regarder les variables en temps réel et de friser le jeu à certains moments pour pouvoir voir la variable qui avait changé pour en déduire que c'était celle-là sur laquelle il fallait changer la valeur, enfin tout ça. Voilà. Moi, j'avais acheté un Action Replay sur Game Boy pour Pokémon pour avoir ce putain de Mew. Voilà, tout simplement. J'avais juste acheté un Action Replay pour ça. Après, ça a vite dégénéré. Hein. Mais à la base, c'était pour ça. Alors, du coup, le fameux Action Replay Game Boy. Oui. Dans l'idée. Bonne... Voilà. C'est un peu comme dans je crois que c'est dans les Animaniacs, c'est ça ? Bonne idée, mauvaise idée. C'est dans Tiny Toons. Et dans les Tiny Toons, voilà. Donc, j'étais pas très loin. Ah, Animaniacs, bonne idée. Maintenant. Bonne idée. Acheter un Action Replay pour débloquer Mew. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. S'amuser à... triturer, défoncer, on peut aller encore plus loin dans les synonymes. Zelda Link's Awakening. Qui connaît la malédiction des Link's Awakening ici? Non, je connais pas, j'ai pas non, testé. Je vais vous en raconter des bonnes. Il y a des gens qui ont bidouillé des jeux il y a 20 ans, et là ils se retrouvent avec des jeux qui, même en retirant la pile de sauvegarde, c'est donc c'est-à-dire, c'est pile de sauvegarde, normalement, c'est. T'as rien, c'est tu démarres le jeu depuis le début. Et bien là, en fait, ce qui se passe, c'est que ton jeu, il est glitché à mort. Et selon ce que tu peux lire sur le net, et pour le coup, je sais parce que j'ai quelqu'un qui a essayé de me refiler un jeu qui m'a dit « Bah écoute, je l'ai bidouillé il y a longtemps et le jeu, il est resté comme ça. » En fait, je sais pas comment c'est possible, mais apparemment, ils ont réussi à corrompre carrément la ROM du jeu. Ah ouais, mais ça pouvait foutre en l'air les... Ben, j'ai refusé d'y croire pendant un moment, mais visiblement, j'ai quelque chose... C'est super chelou. J'ai passé une après-midi dessus, j'ai tout tenté. J'ai retiré la pile, j'ai vérifié, il y a encore la... Tout est corrompu dans le jeu. Je me suis dit, c'est pas compliqué, il doit avoir d'autres trucs. J'ai tout essayé, j'ai jamais réussi. Paraîtrait-il qu'il faudrait réfacer la sauvegarde en repassant par le Game Genie ou l'Action Replay. L'appareil qui servait à ça. Parce qu'après, la seule explication logique, entre guillemets, c'est que c'est l'appareil qui est physiquement et peut faire un court-circuit sur la ROM, par exemple, et la foutre une partie de la ROM en l'air. Ouais, parce que là, c'est tendu, là, quand même. Mais on parle, je crois, de jeux hantés, il me semble, pour les Link's Awakening. Mais tu vois, moi, c'est... Non, je vais essayer de retrouver le lien, parce que c'est un truc de fou, en fait. Oui, parce que que ce soit Action Replay ou Game Genie n'ont jamais été supportés finalement officiellement par les éditeurs. Ah bah non, surtout pas, oui, non. Non, absolument pas. Mais moi, je me posais la question à l'époque, j'ai jamais utilisé... Moi, à l'époque, je n'ai jamais non plus utilisé ni un Game Genie. Je me demandais si ça foutait en l'air le jeu. Vraiment, je me disais, mais ça se trouve... ça te bousille, quoi. Tu sais, j'avais cette idée-là, en fait. Normalement, dans le fonctionnement du truc, non. Ouais. Je vois pas comment, en fait. C'est pour ça que ça me semble très curieux. Parce qu'en fait, le jeu, après, tu vois, il est chargé, entre guillemets, on va simplifier, il est chargé dans la mémoire de la console, pour faire simple. Et c'est ce que fait l'Action Replay, c'est que ce bout-là qui est chargé, c'est ça qui va modifier. C'est pas ce qu'il y a dans la cartouche qui est modifié. Ouais. Donc, c'est le bug de mémoire avec la plume. Quand tu lances, tous les objets sont remplacés par une plume et t'as des graphismes glitchés. Donc, Fever, hein. La plume en anglais. Fever glitch. Je cherche encore. Et il me semble en fait que c'est un bug qui impacte uniquement la réédition, donc Link's Awakening DX. Mais je vais vous trouver ça. Ça risque de me prendre quelques minutes, mais... Ensuite, donc un peu plus tard, quand les consoles à CD sont arrivées, on a commencé à voir apparaître aussi un peu la même chose qui s'appelait des code breakers à l'époque, qui là, par contre, permettait pas d'intervenir directement sur la RAM. Enfin, peut-être, je sais plus trop si ça fonctionnait comme ça, mais en tout cas, c'est des utilitaires qui permettaient de modifier vos sauvegardes. Oui, effectivement. Où on pouvait aller tripatouiller dans les sauvegardes pour changer des choses. Tripatouiller, oui. D'ailleurs, pour moi, la vision ultime de ces choses, c'est... ça parle mal de moi sur chat, j'approuve pas. C'était Gran Turismo 2. La première édition de Gran Turismo 2 sur PS1 était vendue avec un troisième disque qui vous permettait d'avoir de l'argent et des voitures supplémentaires. Et ce que faisait en fait ce disque, c'est que ça créait une sauvegarde avec déjà des choses dessus. Et après, vous lanciez votre jeu pour pouvoir avoir des choses supplémentaires. Ok. Il y a aussi certaines Action Replay sur PS5 qui permettaient de faire passer des jeux à port. Voilà, ça s'appelait le Codebreaker à l'époque. Ouais. Ça, on pouvait jouer au jeu un peu avec. C'était bien. Oui. Ouais. Bah, l'action replay servait surtout à ça. Bon. Bah, sur GameCube, il y a un action replay aussi qui s'appelle Action Replay et qui permet de lancer plein de trucs, on va dire. Et ça a commencé beaucoup plus tôt que ça. Ça a commencé avec la NES en particulier, puisque même sans parler de jeux import, les jeux non licenciés, c'est-à-dire en particulier les jeux Codemasters sur NES, nécessitaient d'avoir ce genre d'adaptateur pour être lancé. Ouais. Mais en tout cas, ouais, ici, donc, on n'était pas des adeptes de. Non. Ouais. Bah moi, j'en ai jamais eu. Moi, c'était vraiment Action Replay. Moi, Action Replay, c'était uniquement PS1 et c'est surtout pour les jeux import avant la puce. Ouais. Moi, c'est vraiment pour avoir Miu, hein. C'est tout. Ça fait marrer parce que je pense que, dans les. Bon, moi, j'ai dû revendre. Hein. J'étais pauvre pour m'acheter le jeu, je devais revendre des trucs. Donc, quand j'ai tout revendu, j'avais plus ça. Mais elle a aussi l'Action Replay Game Boy. Donc, je pense qu'il y a dû avoir le même raisonnement. On veut Miu, bordel. Du coup, pour confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle donc Link's Awakening Corruption. Et attention, apparemment, il y a certaines personnes qui disent que ce serait pas dû à l'action replay, mais dû à des trucs genre j'éteins la console en plein milieu d'une sauvegarde ou il y aurait quelques glitches à faire dans le jeu pour carrément corrompre et défoncer le jeu. Et il y a des techniques, il y a des topics sur Nintendo Edge qui s'appellent Corrupt or Cursed. Donc le jeu il est corrompu ou alors il est maudit et modzé. Bah ça maudit, c'est pas compliqué, il suffit de faire appel à un exorciste. Bah oui. Oh bah écoute, j'ai jamais essayé l'exorciste. Tu es exorciste. il existe en fait un diplôme sur internet, c'est toujours rempli, on te l'envoie par la poste. Ah oui, c'est Mamadou Mgelemgele qui te le fournit, c'est ça? Non, c'est le même. C'est le même en fait qui a fourni le diplôme de Joey dans Friends pour être pasteur. D'accord. Pour ceux qui ont visé. Diplôme de pasteur, donc ça va être très bien. Et bah ouais. Enfin bref, donc pour le coup, j'ai passé l'après-midi sur ce truc, ça m'a rendu fou, j'ai fini par rendre la cartouche en mode je ne peux rien faire. Quoi. Ça corrompt. Tu faisais ça que pour Link's Awakening? Ouais. Apparemment, ce serait donc la technique plus répandue pour casser carrément le jeu, ce serait éteindre la console pendant que ça charge, sauvegarde, ou même pendant que tu effaces une sauvegarde. Mais il existe une autre théorie qui est c'est l'action replay qui est tout cassé. Voilà. Juste avant qu'on finisse, on parlait de speedrun et tout à l'heure. Est-ce qu'un Tazbot, c'est de la triche? Tazbot, non, bah c'est pas de la. Enfin. Oui, bah. Le Tazbot, c'est pas de la triche. C'est même pas du jeu. C'est une vieille marque de voiture. Oui, déjà. Le TAS, tu peux pas considérer que c'est de la triche en tant que telle, puisque à partir du moment où quelqu'un te dit c'est un TAS, donc tu vas t'attendre. Alors, TAS, tout l'assisted speedrun, c'est. Oui, il faut dire aux gens qui connaîtraient pas. Le but du jeu, donc d'un speedrun, est de finir le jeu le plus rapidement possible, ou en tout cas d'atteindre un objectif qu'on s'est donné le plus rapidement possible en utilisant toutes les techniques possibles et imaginables. Tout l'assisted speedrun, c'est on va carrément utiliser des outils pour pouvoir appuyer sur les boutons à la frame près, donc au 60e de seconde près. Enfin bref, à chaque fois que le jeu peut lire une input, on va pouvoir nous appuyer sur tous les boutons qu'on veut, n'importe quand, n'importe comment, et faire des trucs complètement fous. Et le TAS, on considérer ça comme de la triche. Hein. Le TASBot, c'est un truc qui permet de lire toutes ces inputs, toutes ces appuis de boutons, sur la vraie console d'origine, pour dire voilà, j'ai fait des conneries, mais ça marche sur le vrai jeu. Mais c'est là, ouais, je suis d'accord avec Merovingien, parce qu'il dit c'est un enregistrement de commande que presque aucun humain. Oui, c'est ça. Mais à partir du moment. Est-ce que c'est de la triche ou pas? Parce que tu peux pas le faire toi, physiquement, c'est impossible, et tu vas te servir de ça pour pouvoir réussir à le faire. J'ai envie de dire, c'est de la triche. À partir du moment où on te dit que c'est un Tazbot et qu'on ne te fait pas croire que c'est toi qui le fais, on s'en fout, tu vois. Oui, là après c'est de l'escroquerie. Après c'est peut-être de la triche, oui ou non, mais c'est pas le problème, je pense. Je pense que c'est un peu de la triche parce que toi tu peux pas le faire, donc tu te sers de ça pour aller plus vite, péter le jeu et le finir. Après, moi, j'aime bien un tasse-bot. Mais... Ouais, mais c'est vrai qu'on peut se demander si c'est de la triche. Après, derrière, ce qu'il faut voir, c'est que pour faire un tasse, les mecs... Oui, il y a du travail. En fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des gens qui appuient sur les boutons quand même. C'est juste qu'ils peuvent revenir en arrière, rappuyer sur un autre bouton à tel moment et tout. Mais c'est quand même des gens qui le font au final. Ouais, mais du moment que tu sers un outil pour arriver à tes fins. Mais oui, mais après. C'est pour ça. Moi, je demande juste. J'aime bien qu'on ait le débat parce que c'est rigolo. Après, je comprends, mais moi, j'ai envie de dire qu'on appelle ça de la triche ou pas. C'est pas grave. Ah non, pas question de grave, mais comme on parle de triche et tout, et qu'on est des gens qui ont tous le speedrun ici et qui en regardent souvent. Mais je pense qu'on peut dire que oui, effectivement. On peut se poser la question. Si tu as des outils qui te permettent de jouer image par image, bah oui, c'est clairement de la triche ultime. De la triche. C'est la triche ultime. Bah oui. Mais ça permet de faire des trucs très rigolos. Oui, ah mais totalement. Je posais juste la question parce qu'on n'en avait pas parlé, c'est vrai. On sait que c'était bien de le dire. Bah, est-ce que exploiter un bug du jeu sciemment, c'est de la triche? Non, sciemment. Parce qu'il n'a pas été corrigé. Le bug est dans le jeu. S'il n'a pas été corrigé par le développeur, tu ne peux pas considérer ça comme de la triche. Il est dans le jeu, tu te sers de ça sans aucune aide extérieure, tu fais le truc. J'appelle pas ça de la triche. Non, moi non plus. Après, c'est mon appréciation. Il y a peut-être des gens qui peuvent le considérer, mais après, c'est dans le jeu. Tu peux le faire physiquement, tu n'as pas besoin d'outils, rien. Tu trouves une faille, tu rentres dans la faille, ça te permet d'aller plus vite. Ouais, ok. J'aurais du mal à considérer ça comme de la triche. Bon, pas sur le coup, on a quasiment fait le tour, je pense. C'est animé, hein. Ouais. C'est cool. On a oublié Beyond parce que tu m'as filé une image. Oui, j'en viens là. Ah, je voulais juste vous mettre une petite image sur le chat. On va même. Puisque je sais qui nous regarde. Je vous déteste, vous, la rédaction de Player One, qui, en ce mois. Je la mets aussi sur le stream. Hein. Je ne sais pas si on verra grand chose, mais hop. Ah, voilà. Donc. En ce mois d'avril 1994, en numéro 41 de Player One, dans la rubrique trucs et astuces, vous avez mis un code pour un personnage supplémentaire Street Fighter Prime Mega Drive qui était un méchant pour son avril. J'avais 13 ans, j'étais naïf. Je vous déteste. Voilà, c'est tout. Mais c'est marqué, qu'est-ce qu'on se marre au mois d'avril? J'avais 13 ans. Voilà, j'essaie de le mettre en lisible pour ceux qui regarderont après. Voilà. Oui, d'accord. Et il y avait une autre astuce qui m'avait fait beaucoup rire, mais j'ai pas retrouvé l'image, mais c'est sûr qu'elle est facilement retrouvable. Je crois que c'était Player One aussi qui te donnait une astuce pour Doom. Non, c'était un magazine anglais, je crois. Mais en gros... L'astuce sur le magazine, c'était pour battre le cyberdémon, tirer dessus jusqu'à ce qu'il explose. Et je me dis, merde, j'espère que le gars il a pas acheté son bouquin pour cette astuce-là parce qu'il va être pas content. Quand Street Fighter 2 Prime, son Mega Drive? Bonne question. Il est sorti. Il était dispo peu de temps avant, là. C'était, Non, parce qu'est-ce qu'il est sorti avant Super Street 2? Ah oui, non, je sais pas. Non, c'était Street 2 commençait à dater pas mal. On commençait déjà à parler de Super Street 2 à l'époque, oui. Ouais, non, oui, parce qu'on était en 94. On était en 94. Non, parce que tu vois DJ Max, vive la journée. On était en 94, donc. Soit ils sont visionnaires et ils ont découvert DJ avant tout le monde. Voilà. Putain, j'avais oublié ce truc. Sur le coup, après avoir vécu ce traumatisme. On va pouvoir passer à la rubrique Raconte-nous un jeu. Et raconte-nous un jeu. Qui ça? Ouais. Petite Pelle. Encore? Ah bah oui, mais deux fois de suite. Tu t'as tellement impressionné que maintenant. Non, n'attend pas. Hein. Alors là, et là je saurais que vous ne pouvez pas parler. Vous savez que je saurais? Non, je n'ai pas. En vrai, quoi? En vrai, je suis tellement à l'écoute de la préparation de ce podcast que non, pour le coup, je sais même pas qui doit le présenter. C'est peut-être moi, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que la dernière fois, tu nous as dit que tu avais un jeu sous le coude, que tu pouvais le faire. Donc je peux le faire. C'était ok, mais c'était toi. Je peux le faire. Parti. Moi, je peux le faire. C'était vraiment une surprise, moi, tu vois. Le layout interactif, il en est où, là? Mais j'attends le nom, j'attends le nom. Mais c'est moi, du coup. Alors, ça réclame dans le chat Pulpi ou Aléa qui raconte un jeu. Voilà, voilà. N'essayez pas de faire croire au chat que ce site n'est pas préparé. Parce que... Bah, moi, je suis au courant de rien. Donc, à non, mais ça marche. Mais si je parle, hein, y a pas de problème. Hein. Vas-y, ouais. Parle. Allez. Eh ben, en voiture, Simon. Alors moi, c'est plus qu'un jeu. C'est bien plus que ça. Alors, attendez, Léo est interactif, par contre. C'est un film. C'est le Barcode Bachelor, pardon. Alors, ça aurait pu, mais non. Je vous avouerai, je sais même pas quand il est sorti, ce truc. Hein, mais... Donc, j'avais ma Super Nintendo. Et je sais pas exactement si c'est un Noël ou un anniversaire, je vous avoue c'est un peu confus dans ma tête, hein. Mais je reçois un cadeau tout simplement prodigieux. C'est un accessoire pour la Super Nintendo qui s'appelle le Nintendoscope. Oh merde. Alors, je pensais que c'était une blague. Qu'est-ce que c'est que le Nintendoscope? C'est tout simplement, alors par contre du coup je vais essayer de vous trouver une image pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Vous voyez, la NES, elle avait le Zapgun, là, un petit pistolet où on tirait sur l'écran. Mmh. Mais là, non, on était dans les milieux des années 90. Un petit flingue, c'est nul. Non, là, c'est carrément un lance-roquette que tu peux mettre sur ton épaule avec un viseur que tu peux adapter, droitier ou gaucher, et qui te permet d'atomiser tout ce qui se passe par ton écran. Donc, déjà, de base... T'avais pas de chance, hein. Les meilleurs avaient le menaceur. Hein. Non, j'ai... Non. Comme ça, hein. Non. Le Nintendoscope, c'est un truc, moi, j'ai passé énormément de temps dessus. Alors, énormément de temps, oui et non, parce que c'est un truc qui utilisait 6 piles quand même. Et ça durait pas long, hein. Mais je me suis quand même énormément amusé avec ce truc. Alors, attendez, je vous ai trouvé une super photo là. Je vous la mets sur le chat. Et il était fourni avec le scope, la lunette de visée, un capteur infrarouge qui servait à détecter, en fait, non pas là où on visait, mais juste, y a des boutons sur le truc. Donc, juste les boutons sur lesquels on a appuyé. Et il était fourni avec Super Scope 6, un fantastique jeu. Donc, 6 en 1, je crois. Ouais, mais en fait, le 6, c'est aussi pour les piles. Oui. 6 piles de normal. Mais c'est il y avait 6 jeux. Donc, il y avait des jeux, je sais plus comment ils appelaient ça, en gros, entertainment, amusement, et jeux, entre guillemets, hardcore, pour les vrais, quoi. Je schématise. Donc, il y avait... Alors, en gros, il y avait la partie Blastrice et il y avait la partie Laser. Voilà, c'est ça. Merci, je me souvenais plus des noms. Non, et donc, Blastrice, c'était quoi d'ailleurs? Tiens, on peut en parler. Blastrice, c'est tout con. Hein. Tu vois Tetris? Oh putain, je me doutais que c'était un truc comme ça, mais je pensais... Tu imagines comment tu peux jouer à Tetris avec un bazooka? Tu es pas loin de la vérité. En fait, tu as les pièces qui descendent. Et tu peux pas les tourner ni rien. Par contre, tu peux tirer sur les carrés pour modeler la pièce comme elle t'arrange, quoi. Voilà. Donc, tu tires et tu défonces des trucs, quoi. Tu avais un mode donc Tetris. Tu avais un mode un peu façon Puyo où c'était des cubes qui tombaient et ils avaient différentes faces, quoi, différentes couleurs. Et donc, fallait les faire tourner pour faire des lignes ou des colonnes de couleurs identiques. Mais ça, c'était les jeux où on se faisait chier. Ouais. Les vrais jeux maintenant, tu avais Mall Patrol, c'est celui où j'ai passé le plus de temps. C'est, tu imagines Whack-a-Mole avec le marteau, sauf que là, t'as un bazooka. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Cool. Et donc, tu voyais à chaque début de mission, t'avais des petites taupes violettes qui défilaient et qui rentraient dans les trous. Donc, tu savais combien il y allait. Tu devais en éliminer et elles sortaient et tu devais les dégommer le plus vite possible et au bout d'un moment il y en avait des roses qu'il fallait surtout pas toucher sinon ça t'enlevait des points et tout, et là c'était vraiment le jeu du scoring très très prenant. Et sinon tu avais les jeux du style Interceptor où il fallait intercepter des missiles qui défilaient horizontalement sur l'écran, donc plus le missile était gros plus il était proche, donc ça voulait dire qu'il fallait tirer plus tôt. Quand tu voyais qu'un missile était tout petit, il fallait anticiper la profondeur de champ de l'écran et tout. Enfin, c'était super technique, c'était assez hardos. Tu avais un truc, c'était aussi Interceptor, où là le pitch c'est que tu t'étais écrasé sur une planète, il y avait plein de vaisseaux aliens qui se dirigeaient vers toi Et bah fallait détruire les aliens qui t'arrivent sur la gueule, quoi. Du coup, ça, c'est un mode aussi sur lequel j'ai passé énormément de temps. Et le dernier mode, c'était un truc qui ressemblait un petit peu, mais avec des avions de chasse. Où là, c'était... Tu poursuivais des avions, donc ils allaient plus ou moins vite, ils tournaient plus ou moins à grande vitesse. Et c'était un mix entre l'interceptor et le truc des missiles, en fait. Où il fallait gérer et la profondeur et les trucs qui t'arrivent sur la gueule. C'était assez compliqué, celui-là, j'y jouais pas beaucoup. Et c'était la folie. Ce truc, c'était un truc de malade. Et j'ai appris plus tard, à mon grand regret, bah, qu'il y avait d'autres jeux qui étaient compatibles avec. Eh oui, notamment, pas beaucoup, mais quelques-uns. Notamment un jeu avec des mechas. Alors, il y a voilà, un jeu avec des mechas et sa suite. Hein, donc, tu parles de Battle Clash. Oui. Qui était très beau en plus. Et sa suite, Metal Combat, Falcon's Revenge. Ouais. Ils sont magnifiques. Ils étaient jolis. Hein. Qui sont sans doute les deux meilleurs jeux. Voilà, et c'est pour ça que je dis que c'est à mon grand regret, parce que là je m'amusais comme un fou alors que c'était des mini-jeux de démo, mais si j'avais eu des vrais jeux, oh mon dieu. Ouais, si t'avais eu le Yoshi, Yoshi. Et il y avait Yoshi Safari. Yoshi Safari, parle-nous de Yoshi Safari. Je l'ai pas, au revoir. Xeko, ça a raison, c'est vrai, j'ai mal établi le pitch, c'est vu que je me pose moi sur une planète étrangère, c'est moi l'alien envahisseur finalement, effectivement. et je leur casse la gueule en plus. Faut le dire, effectivement. Si ça se trouve, il venait juste me faire des bisous et voilà, ça a déjà rien. Mais pour moi, le meilleur jeu de cette compile, c'est le Mole Patrol et le jeu justement avec les aliens. C'est ça où j'ai passé le plus de temps. Mais la technologie du truc marchait bien en fait. Hein. Moi j'ai jamais eu de problème. Oui, ça fonctionnait. La détection était bonne, c'était. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. En gros, selon le type de télé que tu avais, genre coin carré et tout machin, voilà, c'est différent. Oui, ça par contre, oui. Et c'est en plus à toi à calibrer le bousin. Donc pour le coup, si tu calibres mal le truc, ben. Ouais. Au début du jeu, tu avais une mire, donc où il fallait tout tirer au milieu et tout. Bon, bah après, oui, ça c'est un autre problème. Mais comparé aux zappers de la NES où tu branches, il marche et puis on n'en parle plus. Mais pour le coup, il était quand même 100 fois plus précis ou un truc comme ça. Donc c'est. Mais le non, mais le fait d'avoir un gros bazooka avec le vrai viseur, façon, enfin, t'étais dans ton film quoi. Donc moi, quand en tant que gamin, j'ai vu ça, ouais, j'étais trop ambiancé. Et il se trouve que j'ai vu ce Nintendoscope dans une boutique pas loin de chez moi, où bon, j'avais pas de pognon, donc j'ai pas pu l'acheter. Et là, je suis retourné dans l'après-midi, je me suis dit, putain, j'espère qu'il y a encore, et il y était plus. Je suis un peu deg. Il faut que je retrouve, parce que maintenant que j'ai une télé cathodique, je peux rejouer à ce genre de jeu. Et ça, c'est toute mon enfance. Quoi. Donc voilà, oui, comme je dis, parce que je tiens encore un peu à préciser, si vous connaissez donc Battle Clash, oui, Metal Combat Falcon's Revenge, c'est la suite. Il est beaucoup moins connu et il a été beaucoup moins distribué, mais c'est le même en mieux. Il est mieux, il est mieux. Ouais. Il a été rené à une GDQ. D'accord. Et le mec avait comme handicap, en fait, il se mettait dos à l'écran et il jouait dans un miroir. Oh merde. Ça va, c'est propre. Et juste un autre détail technique, si jamais vous croisez le jeu Lethal Enforcers, vous vous dites, bah, c'est un jeu de tir, donc je vais pouvoir l'acheter. C'est sur Mega Drive, ça ? Sur Super Nintendo aussi. Vous ne pouvez pas y jouer avec le Super Scope 6, il faut acheter le Justifier de Konami pour y jouer. Entre parenthèses. Ouais. Le jeu de. Ah, comment ça s'appelle ? D'Aerosmith aussi, tu dis éventuellement, ça aurait pu jouer avec ça, mais non. Le quoi ? Le Revolution X ? Ouais. Oh zut ! Non, Revolution X. Oui, vas-y. Non, je t'en prie. Non, je voulais dire, il y a Terminator 2, The Arcade Game, ouais. Les jeux de tir vraiment qui sont jouables. Opération Thunderbolt et le X-Zone, qui est beaucoup moins connu, qui sont au moins des jeux jouables 100%. Et après, des jeux comme Hunt for Red October ou Lamborghini American Challenge l'utilisent, mais de manière ponctuelle pour des mini-jeux, pour des utilisations extra, mais pas pour l'intégralité du gameplay. Voilà. Attends, après, c'est un jeu de course, Lamborghini, ouais. Machin challenge. Oui. Mais du coup, tu fais quoi ? Tu défonces tes concurrents ? Enfin... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le jeu ? Je sais plus. Ah oui, il est aussi compatible avec le Mulo Super Nintendo, donc. Ah, peut-être. Pourquoi pas ? Voilà, il est possible de détruire son opposant en le tirant dessus. Voilà. Mais... D'accord. C'est propre. C'est, est-ce que c'est du cheat du coup? C'est une espèce, de, c'est une espèce de jeu bonus prévu au départ. C'est, voilà, donc... c'est le mode carapace verte de Mario Kart. Ouais. Mais pour le coup, en fait, le gros problème du scope, c'est pas la détection de la vision, c'est les endroits où sont placés les boutons. Moi, j'ai jamais réussi à jouer confortablement avec. Je sais pas, moi j'appuyais sur le... Bah moi, le jeu auquel je jouais, il y avait juste le gros bouton rouge où tu appuyais... Ouais, mais justement, étant donné que c'est pas comme une gâchette, en fait, comme... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Comme avec le zapper, moi c'est toujours le truc qui m'a embêté. Enfin. Il y avait un auto-fire inclus, il me semble. En plus. Ah bon ? Je sais plus. Il y avait plein de touches, il y avait plein de trucs, ouais. Enfin, je l'avais pas, donc pour le coup, quand j'y ai joué, c'est quand j'allais chez les gens qui l'avaient, donc... J'en ai un maintenant, mais j'ai jamais essayé. C'est un pote qui m'a filé le sien. J'ai la musique en tête du Blastris, par contre. Hein, mais regardez ces petites... Attendez, je vous mets un... c'est vrai que ce petit récepteur aussi, il était quand même sympa. C'était avant déjà la Wii, donc Nintendo qui te disait de placer ce truc-là, débrouille-toi. Alors, avant, avec les tubes cathodiques, on ne pouvait pas les mettre sous la télé, parce que sous la télé, c'est un petit tube. Sur la télé, il fallait que le haut de la télé soit bien plat, sinon ça tombait. Alors bon, voilà. Mais ouais, c'était... Non, c'était vraiment des bons souvenirs. C'est pour ça que je suis content d'en parler, là, parce que... Ça, c'est le jeu, peut-être, après... Franchement, peut-être qu'après Mega Man X, c'est le jeu auquel j'ai plus joué sur Super NES, la compil Scope 6. Donc, un grand moment de jeu vidéo pour moi. Après, c'est le seul jeu avec un flingue accessoire auquel j'ai joué. Tu vois, même les Gun-Con et tout, je les ai jamais eu, moi. Donc, je sais pas, je pourrais pas comparer, mais... moi, j'adore vraiment, quoi. Et donc pour les trivia totalement inutiles, le Super Scope est utilisé dans le film Super Mario Bros. Oui. Il s'appelle les Devogen. Oui. Et on le voit apparaître dans Smash Bros. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est de là qu'il vient et qui peut être craqué ou pas suivant les utilisations qu'on en fait dans Smash Bros. Hein. Tu peux sortir un mec en pleine possession de ses moyens. Sans grands efforts. J'essaie de voir pour l'autofire, mais je sais pas. Je ne trouve pas. Ah voilà. Non, mais après, c'est peut-être mon souvenir qui est corrompu. Non, mais c'est possible parce qu'il y a plein de boutons en fait. Il y a vraiment plein de boutons sur le truc. Il y a un film Super Mario Bros. Oui, il y a un film Super Mario Bros. Malheureusement. Il existe même en laserdisc. Pour une qualité optimale. Si vraiment envie de le voir, façon old school, ouais. Voilà, bon, mais sur le coup, merci monsieur Moa de nous... Merci pour cette préparation intense. T'as vu ? Eh, si j'avais pas dit que j'avais pas préparé, les gens, ils auraient vu que du feu. Hein. Ouais, heureusement que tu l'avais pas dit. Oui, totalement, oui. Oui, Fury, ça me l'a fait tout à l'heure, Twitch, qui me dit bienvenue sur le chat. Tout va bien. Ah, donc bienvenue, Fury, sur le chat. Installe-toi confortablement. Un petit c'est fini. Voilà. Bon, et donc, sur le coup, il est 22h passées. 2 heures que nous sommes ensemble. Nous allons pouvoir souhaiter une bonne soirée aux gens. Parce que quelqu'un a quelque chose de vital à rajouter. Vital, je sais pas. Donc, la semaine prochaine, enfin, ça commence dimanche, d'ailleurs, je crois, si je dis pas de conneries, se déroule un marathon caritatif de speedrun encore. Alors, cette fois, c'est des RPG. Mais voilà, si vous aimez bien les vieux RPG, ou 20 vieux ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a FF15 qui est rené, donc c'est pas si vieux que ça, n'hésitez pas à passer faire un petit coucou. Quoi. Donc c'est encore le French Restream qui retransmet l'event en français. Sinon, l'event s'appelle RPG Limit Break, si vous voulez aller sur la chaîne anglaise, hein, y a aucun problème. C'est caritatif, donc... tous les dons et tout sont versés à l'association. J'ai oublié son nom, mais c'est pour aider les personnes qui ont des maladies d'ordre psychique. D'accord. Très bien. J'ai oublié l'intitulé exact. Je suis nul comme VRP. Mais non, c'est pas grave. Je manque, c'est pour une bonne cause après. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou sur le stream du sur le French Rust Stream. Psychologique, oui, parce que psychique, c'est encore autre chose. Des mental illness, voilà. Merci, je mets de bol. Psychique mais... c'est... Alors que c'est cause pour le chapitre 13, tu vas être très déçu, hein, je te le dis tout de suite. Mais bon, bref. Non, non, il n'y a pas de chapitre 13, ça n'existe pas, ça suffit, arrête. C'est... La manière dont il l'a passé m'a fait très beaucoup sourire. Bref, spoiler, c'est okay. Moi qui vais le commenter FF15, hein, parce qu'il y a personne qui était assez con pour déjà jouer au jeu et ensuite étudier le speedrun. Ah ouais, donc voilà. C'est con pour jouer FF15 ici. Ouais, ouais. Bah, à peu près tout le monde sauf Monsieur Chouchou en fait. Ah ouais, oui, mais non, mais surtout le finir. Qui sait qui l'a fini voilà. Ouais. En fait, c'est pas que je ne joue pas RPG parce que j'aime pas ça. C'est juste que j'ai pas le temps pour ça. C'est juste ça, mais sinon dans l'idée, là en ce moment je suis en train de faire Earthbound, enfin attention, quand je dis que je fais le jeu, c'est une semaine j'y joue, trois semaines j'y joue pas, donc au bout d'un moment ça s'équilibre, hein. Je pense que je le terminerai en 2058, et tout ira bien. Je commente un petit peu plus que 11 heures de run en fait. D'affilée ? Non ? Oui, alors d'affilée, même d'affilée, ouais, parce que il y a les 8h30 de Dragon Quest où j'enchaîne sur 5 heures de FF15, et puis un ou deux jours après, il y a 8h30 de FF8, et puis après, il y a 4h30 de FF6, et puis après, il y a le Chrono Trigger pendant 5 heures. Tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était FF15 pendant 15 heures d'affilée, 11 heures d'affilée. Et là, je me suis dit, oula, mais bon, écoute, je vais me dire te tenir compagnie, mais bon. Non, non, il y a des gens, non, vous inquiétez pas. Enfin, un petit peu en galère sur certains trucs, mais globalement ça va, ça va se faire. Ça va se faire, bref, voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Voilà, et sur le coup aussi, n'hésitez pas à repasser voir cette chaîne, surtout les habitués, puisque moi en ce moment est en train de découvrir le jeu Dark Savior sur Saturn. Ah, alors en avant-première. Outre le fait que c'est un jeu qui est juste invisible, enfin j'ai jamais vu quelqu'un d'autre y jouer sur Twitch jusqu'à maintenant, c'est pas le genre de jeu qui est beaucoup joué. Et. Qui n'est pas beaucoup apprécié non plus. Qui est... Je pense que ça vaut le coup de découvrir ce jeu aujourd'hui. Honnêtement, à part la déception du système de combat où je ne sais pas ce que je voulais, mais c'est pas la faute du jeu si. pour l'instant, moi, ça va. Y a juste, j'ai lu la notice comme tu me l'as conseillé, elle te spoil la fin, hein, je te le dis. Et ensuite. Ah bon ? Oui, elle te spoil la fin. Et ensuite, y a un passage qui m'a fait mourir de rire et qui a fait mourir de rire à Léa. C'est grosso modo la notice qui te dit n'hésitez pas à sauvegarder très souvent parce qu'il y a des passages que vous voudrez vraiment pas recommencer. le jeu qui se flingue, même. Donc j'en reparlerai, hein, bien sûr, quand j'y jouerai demain. Mais ouais, voilà, c'est spoiler, c'est du lourd. C'est du lourd. Bref. Bah voilà, des bisous. Merci sur le coup, oui. Bonne soirée. Bonne soirée les gens. Merci à ceux qui sont venus sur le chat. Merci, hein. Et merci au chat de participer et tout. Hein. On lit. Alors on n'est peut-être pas réactif à tous les messages parce qu'on est pris dans la discussion, mais on les lit quand même. Hein. On essaie de répondre au maximum. J'ai vu quelqu'un. Et Fury, je t'ai lu. Hein. Et je m'assois sur ton visage, avec tout mon amour, bien évidemment. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Merci à mon assistant pour son gros travail de support. Non, ne me suivez pas sur Twitter, je m'en fous. De toute façon, faut pas se mettre derrière un bosdi qui fait caca partout. Voilà, allez. Encore à la limite, bon, je vais pas le suivre, il suffit de rester devant, on est safe. Mais par contre, les photos d'Yvette. Ah, c'est le quart d'heure bosdi. Par contre, je vous dis, les photos d'Yvette, vous risquez de ne pas vous en remettre. Il appelle, il entend siffler des balles, il fait le malin. Il y en a très peu sur mon Twitter, par contre, sur le Discord. Ah ouais, non. Discord du collectionneur, il faut venir. Également, le. Vas-y, tu vas me mettre en lien, moi, donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez. Non, je sais plus, je sais plus le nom de la commande. Et Discord, je crois. Pas ça, non ? Non, ça, c'est pas le bon. C'est pas le bon ? Ah merde ! Ouais. On est magique. Ah non, mais bien sûr. Nous sommes exceptionnels. Ah oui, c'est une réalisation à toute épreuve. Non, j'ai pas cette commande-là non plus. Bon, très bien. Et comment vous n'en pas ? Bon, attendez. Ne bougez pas. Alors, paramètres du salon. Comment on fait ? Inviter des gens. Copier le lien. Voilà, on va le copier dans le chat. Hein, comme ça sera fait. Voilà. Je l'ai, c'est bon. C'est bien. Voilà. C'est Discord Collection. Oh le mec, putain. On va y arriver. Heureusement que c'est ma chaîne. Hein. Ah oui, mais c'est... quelque part, je pense que le jour férié demain, il va faire énormément de bien au moral. À tout le monde. Ouais. Oh, oui. Voilà. Bref, si vous souhaitez parler jeux vidéo rétro, mais pas que, hein, parler aussi de plein de choses, vous en faites pas. On parle des fois de vieux jeux vidéo, des fois de jeux vidéo récents, des fois de jeux vidéo entre deux générations. Des fois et pas de du tout de jeux vidéo aussi. Hein. Bah ouais, des fois pas du tout de jeux vidéo. De la vie. Et de quoi d'autre on parle ? Et de yaourt. Ah oui, de yaourt, pardon, merci, oui, forcément. C'est vrai, de Carlos et de Yvette Turner, venez. Bon, puis on va peut-être arrêter là les blagues, parce que je pense que les 5 dernières minutes, là, c'est l'enfer. On coupera au montage. Ouais, bien sûr. Bonne nuit les gens, et à bientôt. Des bonnes nuits et des bisous. N'oubliez pas, un jeudi sur deux, comme ce soir. Voilà, comme ce soir. Allez, le mot de la fin, hein. Des bisous les gens. Au revoir.